Bon, les gars, faut que je vous parle de discipline à soir. Si j'étais vous, surtout le Twill 98, j'écouterais. Qu'est-ce qu'on a pratiqué? Des jeux simples. Rien de compliqué. Galipo, si t'es pour partir en échappée avec un nom comme Milan Lucic, assure-toi de scorer, sinon tu nuis à toute l'équipe. Ouais, c'est vrai. Ouais, Milan Lucic. Puis écoutez les gars, je sais que c'est important de bien s'hydrater, là, mais faudrait quand même pas abuser. Sinon, ça ferait créer des crampes, puis dans notre cas, ça serait des crampes au cerveau. Puis surtout, faites attention aux coudes. Levez-le pas trop haut, on pourrait être pénalisé. Ouais, c'est vrai, ça. Faut y penser, boy. Ouais, check-toi. Les gars, je bâton dans le milieu. L'important, c'est lever le coude au bon moment. Pod. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épisode numéro 3 de la soirée du podcast, édition du 22 mars 2013. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Cromp. Le numéro 13, David Thibodeau. Le numéro 7, Martin Véro. Le numéro 98, Alex Galipo. Et le numéro 8, Alexandre Cromp. Bonsoir, messieurs. Yes, sir. Salut. Bonsoir. Vos micros sont-ils tous ouverts? Oui, oui, on est live. Bienvenue à la soirée du podcast. Ici, on vous parle de hockey avec passion et boisson. Et ferveur. Ferveur et... Puis une paire de gants. Belle paire de gants, Mark. La soirée du podcast, podcast de discussion ouverte sur les activités de la Ligue nationale de hockey du Canadien de Montréal, plus en particulier. Dave, oui? Si on explique le concept pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois aujourd'hui. Je m'en rappelle plus. Donc, la jasette, pas la jasette, la soirée du podcast, c'est trois périodes de hockey de 20 minutes de discussion. On parle de sujets principalement du CH, donc du Canadien de Montréal. Après ça, si on a le temps, on va aussi élaborer sur le reste de la Ligue nationale et ce qu'on en connaît. Et si on déborde... pas grand-chose. Oh, bon, on dit quelques petites choses quand même. Ouais. Et si on a d'autres choses à dire et qu'on n'a pas réussi à finir dans les 20, dans les trois périodes de 20 minutes, on peut aller en prolongation, ouais, en prolongation. Et même en tir de barrage. En fait, Dave, je tiens à statuer que les tirs de barrage seront maintenant réservés aux fans. Ah, ben, donc, ceux qui nous écoutent live à yonk.ca/live, donc yonk.ca/live, venez nous poser des questions en rafale à la fin du podcast, puis on va répondre à ça en tir de barrage. Excellent. On a-tu le droit de faire des feintes de ringuettes en tir de barrage? Tu peux. Comme, c'est quoi son nom? La shot à gauche, puis direct dans le top corner. Dogavin. On en reparlera tantôt de lui. Bon, écoutez, est-ce qu'on a quelque chose à dire avant de commencer le podcast? Ben, on va dire bienvenue là, aux personnes qui nous écoutent. Ils sont tellement nombreux dans la salle de chat. Là. On a à peu près 2 personnes présentement. Donc, merci d'être avec nous. Bon, on espère que ça va se rendre. Pour ceux qui nous écoutent en différé, ben, coudon. Salut quand même. Hey, j'aimerais faire un... Bonjour. Un shout-out. Bonsoir. Bon après-midi. Bon matin. On a des autres. Peut-être qu'il y en a qui écoutent ça en faisant l'amour. En mangeant du fromage, parce qu'on a des auditeurs en Suisse, apparemment. Oh oui. Pays de Yannick Weber. Bon, les cons. Ben, j'aimerais mieux dire Raphaël Diaz, par contre, que Yannick Weber. Ah, effectivement, moins un flop, peut-être. Là. Ben, on les salue. Yannick Weber. Ah, ouais. Présentement, ils sont sûrement couchés parce que je pense qu'il est 2h du matin. Ah, là-bas, puis pas juste ça aussi. Ouais. Mike Streit. Ouais. Et on aimerait ça que les Suisses nous confirment le nom Weber. Parce que les autres ici en Amérique du Nord, c'est Weber. Ouais, c'est-tu Weber, Weber? Non, c'est Weber. Herbert. Ou Weber. Je pense c'est pas mal ça. Je pense même c'est lui. Sérieusement, Pierre, il est très professionnel. Non, il le demande. Puis il le demande à tous les joueurs. Ouais, c'est vrai. Puis les joueurs, ils disent, tu sais, peut-être que dans son pays, c'est Weber. Ouais, mais tu sais. Ça dépend. Comme lui dit... Non, mais tu sais, Pierre, ouais, Wood, c'est un peu comme une fierté ça, au Québec. Hein. Ouais, mais il est très professionnel. Il va voir tous les. Sérieusement, il va voir tous les joueurs pour le moment. Ouais, non, ça, je te l'accorde. Même s'il n'est pas sûr, il va. Toi, c'est comment on le dit. C'est vrai. Puis la plupart du temps, les joueurs européens aiment bien américaniser le nom. Patrick Roy Boudage. Galchenyuk, son vrai nom russe ou C'est Galchenyuk. C'est un autre nom. Là. Oh, en fait, c'est plus compliqué. Puis il a dit non, non, non, moi. C'est Galchenyuk. C'est Romanov. C'est Romanov. C'est écrit compliqué de même. Ben, c'est bon, ben, là, dans le fond. Là, ah, ouais. Ben, écoutez, il y a beaucoup d'actualités pour le Canadien cette semaine. Fait qu'on va commencer le match à attacher vos patins, tout le monde. Ça commence. Voilà, c'est parti. Alors, la première période de 20 minutes. Les gars, le Canadien qui performe encore en fou. Ben oui. Bon, descendu deuxième, mais encore. Ben là. Hey, non, mais sérieusement, c'est poche parce qu'on n'a rien à chialer pour vrai. Là. Hey, il n'y a quand même rien à dire. Là, ben, il, Canadien, non, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est mais ce qui conclut l'épisode. Alors, l'équipe adverse a déclaré forfait. Une période seulement, c'était assez. On est deuxième, merci, au revoir. Mais il y a quand même plusieurs choses qui se passent. On va essayer de faire le tour. Parlons tout d'abord de Jared Tenorti, ouais. qui a été promu, qui est rentré dans l'alignement. Il est grand, il est gros. Ouais, il est gros bonhomme. J'aime bien ça. Il est grand. Il est plus grand que gros. Là. Ben, il est pas petit. C'est juste qu'il va prendre du poids. Il va prendre du poids avec l'âge. Mais il a quand même juste 19 ans, je pense. C'est ça. Il est frêle encore. Là. Ouais. Mais il n'y a pas de gros de bébé. Ça, c'est une bonne affaire. Parce que si tu choques la tendresse, quand il est arrivé, il fallait qu'il parte son genre de petit double menton. Il est là encore, c'est ça. Puis il l'a jamais perdu, dans le fond. Mais lui, il n'a pas ça à faire. Il y a encore coupe de cycle de sauce à faire avant de... Ah ouais, c'est ça. Il y a encore un peu de jus à prendre. Ouais, oui. Ça va être beau. Ben, regarde, ça, la dernière game contre les Islanders, c'était pas si bon que ça. Là. Non, la mais... première, il était bon, mais tu sais, tous les non, jeux sont de l'adrénaline. Non, mais moi, ce que j'aime voir, puis ce que je trouve cool qu'on ait dans le Canadien, c'est qu'il y a du potentiel. Le gars, il est grand, il va être gros, il est déjà popé, framé. Ah, pis, il est bon pour le futur. Puis quand tu le regardes dans le coin de la bande, là, quand tous les arbitres puis le jeu s'arrête, puis tout le monde est autour d'un joueur, là, il y a lui qui dépasse d'une tête. ça, j'aime ça. On n'a pas de ça. Ce que j'aime avec le Canadien là, en ce moment, c'est qu'on a du talent, on a du succès, on gagne. Puis nos jeunes joueurs comme Galchenyuk, comme Tenordi, on peut les faire jouer, puis ça fait pas mal à l'équipe parce qu'on a tellement de profondeur, puis on gagne quand même. Ouais. Fait que ça leur donne plein, ça leur donne plein d'expérience. Comme ça, l'année prochaine, ils vont reprendre la relève, puis ils vont avoir l'expérience de la Ligue nationale, fait qu'ils sont plus aussi nerveux, puis ils vont jouer bien mieux. Clairement. Ouais. Ça dépend. Il y a des jeunes qui sont bons la première année, la deuxième année, on a. Ouais, mais il y a tout le temps la. Ouais. Mais si la deuxième année, tout le temps comme le dance. Ça dépend des joueurs. S'ils sont bons dans la première, on dirait qu'ils ont trop confiance aux autres, puis après ça, ils crash. Comme Victor Hammond, Tyler Myers, tu sais, les autres, les gars, Nugent Hopkins. Mais après ça, c'est comme la deuxième année, je pense trop Eberle bon, ça les rattrape. Ouais, les Oilers, ça, c'est un gros flop, man. Sérieux, je comprends pas ça. Manque de vétérans. Ben, avec l'âge, ça va c'est parce qu'ils manquent, ils manquent. Ils sont quand même, je pense qu'ils sont derniers, là. Ils sont pas loin du bon. Avant-dernier ou dernier. Ils ont du talent. Ouais, mais c'est du quoi? Les Oilers, moi, ce que je suspecte, c'est que ça doit être le gros party sale. À Edmonton? À Edmonton. Hey, un gros point de descente avec Sado et Edmonton Mall. C'est justement, quand t'es une superstar, genre d'une ville, là, comme moyen tranquille, qui a comme deux bars où sortir, là, ou je sais pas quoi, peut-être plus, là, je sais pas, je connais pas assez la ville, là, mais peut-être que c'est encore. À Edmonton, il y a une rue, la White. Bon, ben c'est ça. Ryan White, c'est comme à Québec, là. Les joueurs des Nordiques de Québec, quand ça sortait, tout le monde savait. Ouais, mais Québec, c'est bien plus festif que. Ouais, Edmonton, c'est encore pire. Tout le monde en pick-up, puis. C'est pas. Ouais, Edmonton, genre, qu'il y avait des filles qui écrivaient dans la bande, genre, je veux tucer, genre, Hopkins, pis des affaires de même. Ils écrivaient des affaires vraiment dirt, là. Sérieusement, là. Ils sont tellement fous. Nice. On est fiers de nos prairies, hein. C'est un bon crowd, par exemple. Belle place, belle place pour aller jouer. Les 20, les 5 collés dans la baie vitrée. Hey, on parlait de qui, Tenordi? On parlait de Tenordi. C'est ça, lui, il se fait pas montrer les boules. Hein. Moi, je l'aime. Ouais, mais... Pour le reste, je l'aime. C'est sûr qu'il y a encore de l'apprentissage. Il y a du chemin à faire avant ça, mais il y a un beau potentiel pour le physique. C'est le côté physique. Diaz revient, c'est sûr que ça en va. Ben oui. Ouais. Ouais. Diaz, c'est pas sa première année non plus. Non, c'est ça. C'est notre truc pendant longtemps, puis... Ça, Diaz arrive, c'est sûr que lui. Ah, c'est va, lui là, qui paye, c'est sûr. Ben, pendant qu'on mais au moins, il y a une belle occasion en ce moment. Sur le cas des recrues. C'est l'expérience. Ouais. On a Gabriel Dumont aussi qui a monté récemment. Ouais. Ah, il est le fun, lui. Dumont, moi, j'aime bien. Fait penser un peu à un genre de Lapierre. Ben, lui, c'est sûr tout que ça retourne. Ben, ouais. C'est plate, mais c'est si beau qu'il revient là, après ça. Ok, ben là, ça va être sûrement ben, White. Ouais. Ben, là, après, après ça, il va rester ben, Prost. Ouais, là, quand hey, Prost revient, là, bye bye, Dumont, ciao, c'est plate. Non, mais moi, j'aime mieux voir un Dumont qu'un Moen en ce moment. Ben, oui, ouais, ben, oui, mais sauf que. Mais avant de parler de qui on va descendre. Non, avant de parler de qui on va descendre, parlons de ses performances à lui en tant que tel. Dumont, c'est-tu vraiment un bon avenir pour le Canadien? C'est-tu? Ben, oui, c'est un gars de 3-4ème. Ouais, un bon centre du futur dans le temps. Un grinder, là, il aime bien charger le net. C'est un lapierre. Il aime se mettre dans le trafic. Ouais, c'est un Steve Bégin. Ouais. Bon. Meilleur. Ouais, meilleur. Ouais. Il est passé du vite. Parce qu'il est plus jeune, Bégin. On l'a pas eu neuf non plus. Hein? Là, plus de Bégin. Il y avait déjà pendant le village. Plus de Dak Bégin. Ouais, puis là, justement, le retour de Bourque, qui était blessé, qui va. Je pense qu'il réintègre l'alignement demain. Ben, Bourque, on l'a pas vu si longtemps que ça. Bourque, là, dans le fond, il est parti quand même assez vite. Puis il était hot, puis c'est ça. Puis j'espère juste qu'il va continuer sa même maudite. Il jouait bien cette année, contrairement à l'année passée. Ouais, puis tu sais, il sert de son poids. Non, non, quand il est parti, il était hot. Ouais, non, non. Je suis d'accord. Il était en feu, ça. Bourque, là. Je vais aller chercher ça. Il a baissé, là, mais il a quand même 10 points. Là. Ben oui, c'est ça. Là, il n'a pas eu le temps de se monter des stats. Il a combien de matchs joués? 17 matchs. Ouais, le meilleur pointeur le présentement, c'est Pacioretty avec 25 points en 26 matchs. Il y a quasiment un point par match par Pacioretty. Mais il se passe l'affaire de Montréal. Qu'est-ce qui est cool, là, pour vrai? C'est que l'affaire qui est cool des Canadiens, c'est que tous les gars, ils font comme pas mal tous des points égales. Check, on a les top. Les Canadiens, c'est le premier. Non, Pacioretty, il a le plus de points avec 25. Après ça, c'est Ryder avec 24. Moi, je parlais des buts. C'est ça, but, c'est Plekky. Ouais, après c'est ça, Plekky avec 22. Gallagher avec 18. Dernier avec 18. Gianta, 17. Après ça, 16, 14, 10, 9. Mais c'est parce que c'est ça qui fait le succès des Canadiens. Là. C'est que les trois lignes marchent. Mais avez-vous vu ça aussi? On est, je pense, dans la ligue présentement, le Canadien est quatrième pour les buts pour. Fait qu'on est dans les top teams qui comptent le plus de buts. Les trois premières lignes score. La cage, jamais... hey, la cage là, c'est une saison puis il manque d'elle. Ah, mais j'ai jamais vu, ça fait 5-6 ans que j'ai pas vu Canadien, peut-être même plus que ça. Bien balancé. Crash et le net autant que ça aussi. Rentrer dans les games. Moi, ce qui m'encourage avec Bourque, c'est que, tu sais, Bourque, l'année passée, c'était un flambeau. Il était lent puis il allait pas dans les coins de patinoire. Ben, il bataillait pas. Là, cette année, on l'a vu au début de la saison, il patinait puis là, tout ça, ça allait bien. Puis un autre qu'il était moyen, puis que là, il va super bien, c'est Lars Eller. Il joue bien à toutes les games. Au début présente, de la saison, là, j'ai dit qu'il commence à me faire chier, là, Lars Eller. Il s'est fait bencher. On était tous à bout. Ça marchait. Il se donnait à toutes les games, quand il se présentait à toutes les games, toutes les périodes. Il y avait des points, il y avait du succès. Puis là, en ce moment, on s'entend-tu qu'il l'a? C'est un de nos meilleurs joueurs. Il joue plus juste un game, il est tellement bon à avoir joué. C'est pas lui qui a le plus de points. Il vient débloquer, là, enfin. Mais c'est du coup, c'est peut-être. Ouais, mais c'est il est arrivé plus en shape. Tantôt, j'étais rendu à 16, c'était lui 16 après Gianta. Fait que c'est quand même bon, tu sais. Ouais. Non, mais Eller est arrivé plus 10, en shape cette année aussi. Il a pris du poids cet été encore. Il a pris de la shape. Il peut aller dans les coins de patinoire, il n'a pas peur de prendre. Il gagne, il gagne ses combats, justement. C'est ça, c'est le bon en partant. Il est arrivé, là, il était jeune, des blues, il est arrivé, puis il avait déjà un bon gabarit. Il faisait juste qu'il prenne la maturité, puis qu'il ait un petit peu de masse. Ouais, là, il l'a pris, puis en plus de ça. En plus de ça, je pense qu'il a été bien coaché, puis il est tombé direct. Je pense qu'il a adhéré au principe comme je pense que le coach est tanné pour. Oui. L'année passée, tous les joueurs étaient paresseux, ils n'étaient pas coachés dans le vestiaire. C'est ça, imagine. Mais tu sais, moi je pense qu'il est en retard sur son développement. Mais cette année, au moins, là, à date, il va bien. Si l'année prochaine, il est comme ça, mais mieux, tant mieux. Si l'année prochaine, il reste à ce niveau-là. Ça sera peut-être pas mais quand ils ont pogné Eller, ils nous vendaient comme un centre de deuxième trio, man. Quand on a échangé Eller, c'est le même qu'on s'est allé fait vendre Eller. Centre de deuxième trio. On est quand même à l'AC avec ça. Puis à l'AC, il est où aujourd'hui? Pas fort, là. Tu sais, là, sérieusement, là, c'est dans le fond, là, c'était un bon trade. Ça fait deux saisons qu'il se laisse tout le temps. Je veux dire, Eller, il va jouer sur le deuxième trio. Il prend la place de qui? Mais non, mais il devrait être capable de jouer sur le deuxième trio. C'est sérieusement. Ça, c'est Dernais puis t'as plus Lekanec. Ouais, non, mais c'est pas grave. Tellement peu importe l'équipe. Peu importe l'équipe, ce joueur-là, il a été spoté. Troisième trio pour Lekanec. Vraiment beau. Elle a été spoté, genre, pour supposer le joueur de deuxième trio. Mais sérieusement, il n'y a jamais personne là. Quand il était pêché, c'était pour être un joueur de premier trio. Mais oui, mais là, ça va l'air que c'est une recrue. Mais non, je sais, mais lui, il faut lui donner le temps. Mais elle a eu ce temps-là. C'est sa quatrième année dans le national. Mais je suis en train de répéter, t'as Desharnais, puis t'as Plekanec. Qu'est-ce que tu fais? Dans 4 ans, là, Galchenyuk, il va être joueur de premier trio. Ouais. Pas parce qu'il était marrant. Mais lui, il a eu, ça fait 4 ans qu'il est dans la nationale, puis là, il est encore. Je pense que il s'est pas développé de mais, son potentiel. Mais sauf que de toute façon, dans 4 ans, t'auras pu, genre, des gars comme. C'est pas grave, ça, s'il est assez bon, c'est sûr, tu montes sa première ligne. Heller, là, Heller au pays, ça peut devenir une bonne marchandise à trader. Top 10. Heller, c'est un choix de quoi? De première ronde, mais plus loin. Ouais, mais c'est pas grave. Premier, deuxième trio. Ce que je veux dire, c'est que. Ils sont marqués. On ne nous a jamais dit que c'était. On va l'échanger, puis voici le premier trio. Là. On n'a jamais dit que c'est le premier centre du Canadien. Okay, jamais. Non, mais peu importe que tu. Ben, c'est sûr qu'ils sont joués au premier trio. C'est comme Yakupov. Heller, c'est pas un joueur le premier. Heller, non, c'est ça. Ah, Gatchadjian, ouais. Bon, ben, je veux dire, peu importe qui joue dans l'équipe. Là. Si c'est le meilleur joueur de l'équipe, il joue sur le premier trio. Peu importe que tu aies. Tu vas avoir Sidney Crosby, Malkin, puis un autre. Ben, Chris, il va prendre la place de l'autre. Même si Malkin, il compte moins Gatchadjian, c'est sûr que Malkin passe à la deuxième ligne. Enfin, je veux dire, lui, il va se rendre là, Galchenyuk, peu importe. Mais là, lui, mais là, justement, là, je comprends pas ton point. Pendant qu'on est sur le cas des recrues, un petit input du chat room. Il y a Richer44 qui dit Nathan Beaulieu aussi, qui, lui, qu'est-ce qui se passe? Qui était vu comme un gros prospect. Ah, là, mais il est jeune. Ben, c'est ça, là, il est encore dans le junior, là, Nathan Beaulieu. Non, mais Brisebois, il a évalué les deux gars, puis il a dit que lui, il était pas prêt, puis qu'il était prêt. Moi, je. Non, Beaulieu est pas prêt, il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, je m'abstisais là-dessus. Ah ouais, vas-y donc. On veut savoir. Beaulieu. C'est de la viande à échange. Ouais. On va aller chercher quelque chose avec ça. Ah, peut-être. Ça se peut. Il n'y a rien qui était possible, c'est ça. Parce que, sérieusement, entre Thénardy et Beaulieu, Thénardy a plus d'avenir que Beaulieu. Parce que Thénardy, d'abord, tu le montes pas Beaulieu, tu le montes pas si tu le laisses dans les mineurs. Oui, tu le fais jouer dans le Canadien. Parce que tu le fais jouer 8 minutes. Moi, j'étais un DG, je pensais que je vais te demander Beaulieu. Non, je Thénardy, je vais jouer dans la Ligue nationale. Il est quand même ça de nez. Beaulieu, s'il y a des bons scouts, ils vont dire gars, Beaulieu, il a tel talent, il a telle chose. Beaulieu, c'est un choix de première ronde quand même. Ouais, mais prétend donner un gros des joueurs premiers rondes qui n'ont rien fait de leur carrière. Alexandre Daigle. Ouais, mais c'est un gros joueur quand même, ce gars-là. Ouais, mais il est long à développer. Ça va être un défenseur qui va rentrer à l'année nationale à 24. C'est un défenseur point, tu sais. Ah, mais il va rentrer à 25, tu sais, 24. Tandis que Thénardy, lui, il rentre quelque part. Ouais, mais un défenseur, c'est toujours plus long à développer en partant. Wow. Mais sérieusement, je pense que Thénardy. Je sais pas, j'ai pas vu Nathan Beaulieu jouer. On l'a vu pendant les games. Ouais. Thénardy, je pense pas que c'est lui qui va être le meilleur attaquant puis que c'est lui qui va être le plus. Mais c'est pas un défenseur qui est super offensif. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, au point de vue. Non, Thénardy, ouais, défenseur offensif. C'est parce que Beaulieu est plus offensif, mais t'en as pas besoin actuellement parce que t'as Markov, parce que t'as Subban. Ouais, mais faut que tu prépares ta relève vite en tabac. Ouais, mais t'as Markov, là, c'est pas. Mais est-ce que Patrice Bisbourg, t'es quand même. Dans tes jeunes, t'as pas beaucoup de défenseurs défensifs. En ouais, t'es là, t'es dit, mais Beaulieu, c'est ça que le monde reproche. C'est que oui, il va se porter à l'offense, mais il oublie totalement la défense. Ouais, mais ça, ça se travaille, c'est ça qui est le tough. C'est ça qui est le bottom. C'est pour ça qu'il est pas prêt cette année. C'est ça qui est le bottom, c'est la défense. C'est parce qu'on a trop là-dessus. C'est pour ça qu'on pourrait l'échanger, qu'on pourrait avoir quelque chose de pas prêt. Non, ça nous prend du poids. C'est une option valable. Du poids à def. Chris, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. On échange les opinions, Calais, Alex. Non, mais regarde, Beaulieu. Beaulieu, tu touches pas à ça. Beaulieu, tu touches pas à ça parce que Bouillon, là, on l'a signé pour un an. Puis après ça, Bouillon, je veux dire, là, il va falloir que tu commences à piger dans ta profondeur que t'as, là. Puis Beaulieu, ça va commencer à rentrer peut-être dans le frein de l'équipe. Tu le gardes, moi, je le garderais. On s'est déjà fourré avec McDonough. On n'ira pas voir un autre défenseur qui a commencé à performer ailleurs. Tu ne l'échangerais pas contre un Bobby Ryan, maintenant? Non, t'auras jamais Bobby Ryan. Ça vaut un choix de quatrième ronde. C'est ça, t'auras pas Bobby Ryan pour non plus là-dedans. Jamais. Puis là, on a parti de la mode des trades de pointable. Ça vaut bien. Tu dis, hey, je te donne. Pour Bobby Ryan. Mais pour l'instant, ça prend un choix de repêchage puis toute la quête. Puis, ça prend quelqu'un gros là, pour Bobby Ryan. Genre, ouais, Plek Annex. Pas la même. Mais les autres, ils n'auront pas le choix. Ils vont le perdre, Ryan. Finalement, à résumé. Ils vont le perdre. On est parti de. On parlait du retour de Bourque, nous autres. On se disait qui allait sortir de l'alignement. Ouais, mais gars, écoute, c'est ça. Mais gars, regarde, GF, on a pété un plomb. Mais qui sort? J'aimerais vous ramener sur Bourque. Qui Bourque va faire sortir de l'alignement? White. Moi, je veux que ce soit White, peut-être. Hey, Armstrong, sacrément. Armstrong, il a scoré deux buts. Tu peux pas sortir parce qu'il a scoré deux buts, mais le soir qu'il a scoré son esti de but puis qu'il jouait avec Galchenyuk et Heller, juste à peu près une minute avant qu'il compte son but, je disais à ma blonde, j'écoutais la game, Armstrong, c'est avec Galchenyuk, méchant gaspillage de talent, il fait rien, lui, Calis, et le but! Combien Armstrong! C'est un beau but! Tabarnak! J'aime mieux Armstrong. J'étais comme en tabarnak. J'aime 100 fois plus Armstrong que Moen. Ah, moi j'aime plus Armstrong que Bowen en désavantage numérique. Puis il y a ce qu'aurait eu. La question, c'est ce qui descend. Moi je dis que c'est White qui descend. C'est qu'est-ce qui va arriver, c'est que Book va aller sa deuxième ligne avec Gianto Plekanex. Ryder va descendre sa troisième avec Galchenyuk. Puis whatever, ça peut être Armstrong. Et c'est bon, il va pleurer le Ryder. Il va bouder sa troisième. Ils vont peut-être partir avec Bourque aussi, avec Heller puis Galchenyuk. Ce serait pas mauvais. Non, Bourque va tomber sa deuxième ligne. Automatique. Tout ça, là, il va être avec Plekanex, Gianta. Ryder va tomber en troisième. Mais à ce temps, vu qu'on joue à 4 trios, puis tout le monde, c'est pas vraiment une punition là, maintenant. Hey, sais-tu quoi? Ça va y aller. Tout le monde joue. De toute façon, là, les lignes sont tant temporaires. Puis comme ils disent à Montréal, là, c'est ça que j'aime là, pour vrai, là, c'est qu'il n'y a pas de chiffre. C'est line-up. Il n'y a pas de premier trio, deuxième trio. Puis c'est ça qui fait, je pense, c'est que tout le monde score égal. Ça, c'est bon. Quand Pross revient, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'autre cas. Parce que là, après ça, moi, ce que je dis... Entre nos deux podcasts, le Pro s'est blessé. Il renvoie du monde aussi, puis il renvoie toute la... Ouais, ben moi, ce que je ferais, c'est... Là, du monde, c'est le premier qui retourne et fait ses valises. Tu prends Dernier Pacioretty, après ça, Ryder. Hein? Ouais. Dernier Pacioretty, Ryder. Non, moi, je briserais pas le trio. Après ça, Plekanex, Gianta... Tu peux pas briser Gallagher, puis... Ouais, ben après ça, tu remets Gallagher, Galchenyuk, Pro. Non. La quatrième ligne, du monde s'en va. Moi je brise pas Gallagher, Desharnais. Non, mais quand Galchenyuk jouait super bien, puis Gallagher et tout, quand il jouait super bien, il jouait Galchenyuk. Gallagher, ça n'influence pas qui joue. Oui, mais là, ça marche trop bien. Ben, les autres sont. Avec Desharnais, c'est pareil. Ryder, t'es engagé. La game contre l'Islanders, Desharnais, la passe sur Gianta. Non, mais Ryder est engagé pour remplacer Cole. Game, puis. Chris, à la fin, ils ont remis Desharnais, Gallagher et Pacioretty ensemble, mon gars, puis ça a donné de quoi, puis ils ont scoré deux buts après ça. Ils ont appris la leçon, les deux gars sont venus bencher, mais je veux dire, Chris, Ryder, il a été engagé pour remplacer Cole. Là. Pas supposé juste à la deuxième ligne, Ryder, là, ça a toujours été le seul plan. Les deux équipes, ils se rendaient bien service, sérieusement, straight dans ces joueurs-là. Fait que Desharnais fournit les deux shooters. Les deux équipes, ils se rendaient service en straight dans les joueurs. Vous me parlez de Desharnais. Il y a Marc Bergevin qui a bougé cette semaine et qui a signé Desharnais. Il mérite, ça fait longtemps. Un beau contrat de 4 ans à une moyenne de 3,5 millions par année. Il le méritait à la fin de l'année passée. Oui, mais il est encore sur un contrat recru. À la fin de l'année passée. Il aurait pu renouveler tout de suite, c'était le meilleur pointeur du Canadien. Pas en but. Ouais, mais il reste encore une année de contrat. C'est pas grave. Tu leur signes et tu lui donnes une récompense. Tu fais chier à 450 000, 650 000, c'est comme. Il a été meilleur pointeur de ton équipe, tu veux même pas leur signer. Ça, c'est l'ancienne direction. Benjamin, au moins, as-tu commencé à négocier? S'il n'attend pas à l'été, ça, c'est correct qu'il n'a pas attendu à la fin de la saison. C'était chien vers lui, tu sais, il arrête de le faire. Ouais, mais sauf que, tu sais, il venait d'arriver. Tout le monde s'est fait crisser dehors et tout. Hein. Il venait d'arriver, Bergevin, il ne pouvait pas arriver là et donner un contrat tout de suite à Desharnais. Mais l'avoir donné, par exemple, au mois de mars, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Je veux dire, Bergevin ne pouvait pas arriver à Montréal. Il n'a jamais vu personne. Ah, attends, je t'offre un contrat. Je parle de l'ancienne direction avant. Ah, mais l'ancienne direction, c'était une mentalité de merde, man. Il donnait jamais. Ce gars-là, il mérite la saison, man. Jamais. Il aurait pu renégocier au milieu de l'année passée quand il était super bon. Dis-moi, ça a été qui le dernier joueur qui s'est fait donner un contrat avant la fin de la saison par cette gang-là? Par Gainé Gauthier. Donc, Markov, il a été négocié à la fin de l'année. Moi, je dis qu'il n'y en a aucun. Je probablement pas, man. Parce que c'est pas le philosophe. Bergevin a aussi re-signé Bouillon pour un an. Ils ont dit qu'ils voulaient garder à Montréal, c'est pas mauvais. Pas en plus, c'est un bon prof pour les jeunes. Tu vois qu'il a du cœur, il se donne à tous les matchs, il a 36 ans le gars, man. Puis en plus, il joue super bien. Il est fou, hein. Il est tatoué sur le cœur, le CH. Lui, il veut finir ça. Il est super bon, man. T'as pas besoin d'un joueur dans au début, il était essayé, puis il avait dit tu joueras pas toutes les games. Puis ça, il a dit Bouillon, tu sais, je m'attendais, tu vas t'asseoir une coupe de games, tu joueras pas toutes les games. Là, il est là. Puis de la manière, ça avait fini à Montréal, Bouillon, c'était tellement chien. C'était encore le dernier poche. Ouais. C'est ça, en playoff, puis il faut revenir jouer. Il est même pas prêt à revenir, puis après ça. Bang! Hey, le gars, il n'est même pas prêt à revenir au jeu. Il est revenu pareil, c'est ça. Là, ils se sont servis de lui. Pour nous autres, puis là, on a plus besoin de toi, par exemple. Comme un outil, tu jettes après usage. Ça, c'est une ligne de prédateur. L'ancien air de directeur général. Ouais, de toute façon, la période de la chef. En passant dans la salle, le monde me dit qu'il garderait Beaulieu. Tout le monde garderait Beaulieu, il va être bon, le kid. Je l'échangerai jamais. Allez-toi chier. Je l'échangerai pas. Non, écoute, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a. On attend au moins 4 ans. On va attendre un peu de toute façon avant de l'échanger parce que là pour l'instant, il n'y a pas une super grosse valeur parce qu'il est trop jeune. Mais non, c'est ça. On verra après. C'est comme que. Des first round picks, là, c'est tout le temps quand même. C'est tout le temps dangereux tant que tu les as pas vus. D'Agostini, c'est un first round pick, non, ça? Really? Pas sûr. Ah, ouais. Je pense qu'il est haut, D'Agostini. Non, vous non plus. Charlie était haut, mais D'Agostini, je suis pas sûr. Checky sur Wikipédia. Toi, tu dissocies de ça, la recherche. Ah, ben, pas moi qui ai le computer. Checky sur HockeyDB, je pense, vont te l'écrire. Ouais, mais. Quel choix qui a été repêché. Il y a eu un autre signature cette semaine aussi. Ils ont signé le défenseur Darren Dietz. I don't care, I don't know him, je m'en fous. C'est qui? What the fuck? C'est Western Hockey League. C'est un gars qui a du potentiel, ça, je pense, pour vrai. Ouais. Non, ce gars, je pense. Apparemment, qu'il y a un certain potentiel en offense. Tu sais, un gars de la West Coast League qui s'en va jouer à Cincinnati, qu'on connaîtra pas. Lui, il va jouer entre la East Coast puis les Bulldogs. Puis peut-être qu'un jour, il va revenir une coupe de game parce que tout le monde va être blessé comme Henry. Non, mais là, c'est pas la West Coast, là. Rappelez-vous, Henry arrivait, là, avec des Bulldogs, jouer une coupe de game. Mais si c'est un gars super physique, après ça, il partait. Tu sais, quand on a 10 000 blessés, c'est vrai, c'est vrai. Alex Henry. On a vu passer, là. C'est toujours bon, mais. Ah, et c'est la fin de la première période, messieurs. Hey, tu finis de te rappeler, là, tu sais, là, des gars là, comme Kyle Chipchura, là, qui voulait mettre capitaine des Canadiens de Montréal. Mais ça, encore là, moi, j'ai Chris Higgins, on voulait mettre capitaine aussi. Je pense que t'as vu ça Télé-Québec. Kyle Chipchura, c'est le prochain capitaine des Canadiens. J'ai dit ça dans l'arrière podcast. Ouais. En passant, Alex, Chris Higgins, vous avez dit ça. En passant, Alex, D'Agostini, 6e round, 190 overall. Premier round. Il est dans le top 2. Pénalité. Bon, ben, pénalité pour avoir retardé le jeu. Pénalité pour obstruction, Alex. Pour bullshit, là. Alors, on s'en va en entracte et puis on vous revient dans quelques minutes. Alors, les gars, avant qu'on commence la deuxième période, j'aimerais nous attribuer un 2 minutes de pénalité pour trop d'hommes sur la glace. Okay. Pour la première période, on va essayer de parler en même temps. Si on va jouer avec les désavantages de deux hommes parce que je vais en donner une à Alex pour avoir retardé le jeu. C'est mort. J'ai refusé la pénalité. Deux minutes de commencer. Il aura 2 minutes pour attaquer. Un 2 minutes supplémentaires pour genre Hunt Sportman. Ah non, mais t'as peu, ok. Tu veux manger de la merde? Moi, je suis 2 minutes pour avoir été pissé. Toi, Alex, t'as 2 minutes pour pouvoir avoir flashé à la balle. Moi, je suis environnemental. When it's yellow, let it mellow. Ça avait été aimé. When it's brown, flush it down. Tout le monde connaît ça, là. On est comme dans le moment que le ref drop pas à puck, puis tout le monde est prêt. Puis, puis on change de joueur au centre. Ouais, ouais. C'est ça. Mais sur ça, on va commencer la deuxième période. Ok. Ah, voilà. Ah, c'est parti. La deuxième est partie. Avant c'est de commencer. T'as une belle cloche, là. Ouais. Elle est propre. Ouais, elle sonne une vieille arena, genre Madison Square Garden. Il n'y a pas une esticha dans la place. Ouais, c'est ça, ça sonne. Ça sonne écho, là. Test, là. C'était un test, là. C'est comme dans nos vestiaires, ça. C'est-tu mon Madison Square Garden, là, la caméra, c'est-tu la marne? Quand on écoute ça, quand on est à l'étranger, on joue contre les Rangers, là. La caméra, c'est dégueu. L'éclairage, c'est la marne. Il ouais. y a des arénas et tout que la caméra est vraiment comme super proche de la glace. Islanders, c'est comme même. Au niveau, genre, New Jersey, je pense c'est en, le même en Caroline aussi, là, c'est et tout. Super proche, là. Ou les Panthers, ouais, je pense. La caméra est vraiment en basse, comme trop de la glace. Ben oui. C'est parce qu'ils ont plus de place. C'est comme le fun, t'sais, ils peuvent descendre. Ben oui, moi, je trouve ça mieux. T'es encore plus dans l'action. C'est vrai qu'il y a plus dedans. Ouais. Okay. Mais ils ont rénové le Square Garden. Bref. Plus de lumière maintenant. Oh, attention. Ben écoutez, c'est des informations qu'on aime de. Ouais, puis au Madison Square Garden, là, même, la glace, c'est comme tout le temps grise, là, comme pas belle. Là. C'est l'éclairage qui est mauvais. C'est puis à Edmonton, elle est super flash, elle est comme bleue. Hein. C'est une astuce glace comme trop. Ça, c'est comme un peu comme une deuxième période que le jeu commence très lentement. Ouais, là, tu vois que. On dompe la pop. Ah ouais, il y a du dompage de pop, puis on joue beaucoup en zone neutre. On dompe des informations comme ça aléatoires, puis pendant de domper des informations, ben retraite anticipée pour Blake Geoffrion. Ben ouais. Ben pas le choix. C'est confirmé. Ouais, ouais, ouais, confirmé, c'est confirmé. Il l'a dit. Il a dit que sa tête était plus importante que sa carrière. Je sais qu'il pensait parce que. À lui, il y a eu une fracture du crâne, même. Puis même, pour de vrai, les hits, elle a pas l'air si pire que ça. C'est débile. Puis même, ça a pété sa tête à cause. Waouh, c'est pété en tête. Mais tu sais, c'est comprenable, là, tu joues pas avec ta santé. Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est pas au niveau de la tête. Là. Ouais, on pourrait en parler à des gars comme Pat Lafontaine aussi, puis Eric Lindros, qui n'ont pas été écopés par. On les a avec nous ce soir. Michel Boulay a quand même une bonne carrière. Alors, on parle. Ouais, mais Blake Geoffrion, c'est plate. C'est plate parce qu'il n'a jamais pu voir son potentiel, ce gars-là. Tu sais, il n'a jamais eu sa vraie. Il a joué avec les Canadiens un peu, mais. J'ai jamais eu sa vraie chance. Ah, on l'aimait tout parce que c'est un jeu frillon. Ouais, mais c'est parce que dans le fond, c'est comme. Dessus, il serait rien passé. Tu sais, c'est le petit-fils à Boum Boum. Puis tu sais, il allait voir la femme à Boum Boum pour y faire des entrevues. Puis okay, tout. J'ai pas senti ça, moi, personnellement. Il jouait-tu bien? Je l'ai pas vu l'année passée, j'étais pas là. Moi, je. C'est un jeune joueur qui était. On était dans la merde, pour on rappelait. Ouais, bon, c'est déjà une bonne chose. Là, je pense que c'est le 31. C'est le feeling que j'avais quand j'étais. J'ai pas suivi. J'étais en Asie l'année passée. Ah, bon, ah non, ben regarde, on va drop des voyages. C'est un joueur en développement. Europe, Asie. L'app canadien. C'est un joueur en développement. Mais il y en a un autre, par exemple, juste une parenthèse. Ouais, mais non, c'est aparté. C'est Chris Pronger qui sera pas capable de. Lui, c'est fini parce que la tête aussi, lui, ça suit plus. Là. Fait que Pronger, puis Pronger qui est comme... C'est quelle? Ben trop grosse perte. Qui est séquelle? First. Mais qui est une grosse perte. Mais qui est vraiment aussi, une ouais. grosse perte pour les Flyers parce que les autres sont même plus longs de ce qu'ils étaient sans Pronger. Là. Non. Mais on va Ratchet qui est fort en salle cette année, puis Giroux qui va... Il veut l'échanger. Giroux veut pas grand-chose. Non, il veut l'échanger Mézaros. Mais Giroud est décevant cette année. Giroud est décevant. Pour avoir fait le cover de NHL 2013, pour pas faire des points de même cette année. Giroud est décevant cette année. Ah, okay. Mais pas avec Giroud, le goaler aussi. J'ai mis piqué. Ouais, mais ben ça, c'est le gros problème des Flyers. Ouais. Les Flyers n'ont jamais eu de goaler. C'est ça le crise de problème. Depuis Ron Extall, ils n'ont jamais eu personne. Ben, depuis Pelé. Puis on dirait que les Flyers s'obstinent à pas aller chercher un bon goaler tout le temps. Ouais. Tout le temps comme, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont signé là? C'est quoi le nom, là, le russe Fucking Bobrovsky? C'est pas Bobrovsky, je pense. Bobrovsky, tu parles? Bobrovsky, il est super bon, il joue pour les Blue Jackets. Ouais, Bobrovsky, ouais. Le goaler des Flyers, c'est qui? Ah, c'est. C'est pas son nom, le russe, là. Il est fou. Un peu. Ouais. Non, on a l'air de tout. Il est fou. Ron Extall. T'as Phoenix. Ouais, ouais. Brice Gallop. Brice Gallop. C'est ça, Brice Gallop. Hey, c'est bon, Martin, tu m'enlevais un gant. Ouais. Non. Comme tu t'avais vu tantôt, là. Autre complément d'information pour ceux qui nous écoutent pas en vidéo présentement, Martin porte ses gants de hockey pendant qu'il boit sa bière. Oh, ouais. Ouais. Et son chandail de pratique aussi. Bon, on l'a pas forcé. C'est on un l'a pas chandail forcé, de gold. Mais t'as le chandail, pas de contact, Mart, à soir. Pas mis le reste d'équipe, mais... Les gars, j'aimerais qu'on parle un peu de Carey Price et de sa frustration qu'il y a eu dans le mois de mars, fin février, début mars. Carey Price, il a mis mal, là, sérieusement, là, il ça résume la situation, la bite, là, voilà. Il est faible, la mienne. Je suis pas d'accord. J'ai rien ajouté. Non, on pourrait. Je suis pas d'accord. Il y a peut-être un Jaï, c'est safe, mon gars, là, entre la mythe et la pad, là, quand il est en papillon, là, puis la pote passe. Je suis pas d'accord, man. Puis dans les shootouts, tu vois tout le temps que les gars, ils essaient tout le temps. L'année passée, sa faiblesse, c'était entre le blocker et la pad. Ouais, puis là, ça passe plus. Là, ça passe plus. Et tous les gars, ils essaient en shootout. Cette année, il est bon. Je m'excuse, là, mais. Je suis pas d'accord, c'est la mythe. Moi, je pense qu'il a connu vraiment juste une mauvaise séquence. Puis tu le voyais, là, Carey Price, quand il se faisait scorer un but dans cette séquence-là, les épaules basses, regarder au ciel, l'attitude qu'il avait, là, une couple de saisons. Ça, c'était comme du vieux Carey Price. Mais, non, hier, mais après, hier, il était combatif. Puis après ça, il s'est frustré. Hier, aussi. Très bon. Il a été nonchalant un peu, puis après ça, il était vraiment frustré des entraînements. Mais il va tout le temps rester avec son style comme... Nonchalant. Son style nonchalant parce ouais, qu'il est c'est trop... Correct. Mais je veux dire, moi ça me dérange mais pas. Price, mais parce que moi j'aimerais, parce que moi, j'aime j'aimerais pas ça le voir que ça dérange. Moi j'aimerais ça le voir un petit peu plus, vraiment un petit peu plus combatif que ça, puis un petit peu plus défié quand même. Un peu moins nonchalant. J'aime mieux un gars plus quand... nonchalant qu'un bon. Gars qui est trop trop nerveux, mon gars. Ouais, lui c'est sa façon de se calmer puis de se mettre dans sa zone. Je ouais, pense que t'es fois, mieux de le laisser de même. C'est un gars de même à part. Et ça il est nonchalant, il parle en entrevue puis c'est comme il s'endort en parlant. Ouais, c'est ça. Il est nonchalant et il fait des petites jokes comme mais techniquement, c'est probablement un des meilleurs goals. Mais moi, c'est sûr, j'aime les goals à réflexe, là, vraiment. Ah, bon, là. Moi, j'aime les goals à réflexe. Puis c'est comme Tim Thomas. Ils sont bien trop chier, ces gars-là. L'école juste comme, de goaler et Tim Thomas. Tout aime Ron. Tout aime, comment il s'appelle, Dominique Hachek. Non, non, j'ai pas dit des goals qui n'ont pas de style. Parce qu'il fait chier. Brodeur, tout, c'est un goaler. Moi, mettons, 30%. Il y a 30% technique. Brodeur ressemble plus à un Patrick Roy dans le style. Parce que c'est des goalers qui vont avoir une forme. Mais qui vont non, jouer m'excuse, beaucoup de réflexes. Ouais, Brodeur, il n'y a pas de forme, là. Mon gars. Non, Brodeur, il y a personne, quand même une c'est forme Brodeur, à la base. Brodeur, c'est juste que quand il commence à gauler, là, il peut faire n'importe quoi pour faire l'arrêt. Moi, n'importe quoi, il gaule juste debout. Ouais, il fait juste pas de papillon. Il fait pas papillon. Il fait juste pas de papillon. Il fait pas de papillon. C'est un standard. Brodeur, c'est quand même un peu. Brodeur, il va se pitcher pour tout. Non, non, non. Il fait comme des cycles, genre des années 60. Ça n'existe plus un gauleur qui fait plus papillon aujourd'hui. Brodeur, il en fait pas de papillon. Il se met jamais en stands de papillon. Il est tout le temps debout, puis il kick des pucks, man, avec son stick, puis avec ses pads. Hey, Thomas a gagné. Ça, c'est le dernier là, qui reste, là, qui va gauler stand-up. Mais Thomas a refusé de la Maison-Blanche. Thomas, on n'en parle plus. Mais Thomas, c'est un autre fucké. Là. Des gauleux fuckés. J'ai même pas goût de parler de ça. On parle pas de Thomas. Déjà, mais quand. Quand je on parle rien des Bruins, surtout pas de Lucic. On va en parler tantôt des Bruins. Je vais m'en aller. On va parler du coach des Bruins. Mais on a parlé de Carey Price. Check. Ouais. Comment trouvez-vous Piqué Souban ces temps-ci? C'est le first défenseur de la Ligue nationale. C'est dur de commencer avec le pointeur. C'est le défenseur avec le plus de points. Mais il fait des erreurs en crise. Regarde, moi, je pense qu'on... Piqué, il faut lui donner le lousse. Il a connu... Mais je pense que Stanley se contrôle plus. Puis ouais, mais il faut quand même en donner. Mais non, mais c'est correct parce que c'est plus dosé. Sérieux. C'est ça qui est important. Sérieux. Hey, les gars. Laisser du lousse à Souban, c'est le premier pointeur défenseur de la ligue. Non, c'est pas grave. C'est pas ça qui va rendre le meilleur défenseur de la ligue. Ah, mais il fait des points. Je m'en fous. C'est lui qui fait le plus de points dans la ligue. Ah, c'est son style. C'est comme vous dites pour tantôt, pour Price. Lui, c'est un gars qui est explosif, puis c'est un gars qui capote. Fait que lui, quand il a le puck, puis il voit que le power play, mettons, les gars sont pas capables de rentrer dans une zone, il va feinter tout le monde en zone 1, il traverse la bleue. Oui, il a peur. Il fait moins d'erreurs cette année qu'elle est passée. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est plus contrôlé, puis il fait moins. Non, mais je dis pas. Moi, je m'en fous, là. Souban, j'aime son style, moi. Je veux dire, qu'il fasse moins d'erreurs que l'année passée, tant mieux, fine. Ben, c'est ça, j'aime mieux son style parce qu'il est plus contrôlé dans un sens. Comment? C'est parce qu'il est plus contrôlé dans un sens. Ah, mais c'est sûr, là, il y a plus. Là, il y a plus de. Puis c'est le même pour tous les joueurs. Hein? Il y a le numéro 8 qui est un peu frustré dans les coins ici. Là. 98. 8, c'est moi, ça. Non, numéro 8, c'est toi. C'est moi, ça, 8. C'est toi qui fait des fun à tout le monde. On respecte pas mon opinion, je suis pas d'accord. Moi, je respecte ton opinion. Ah. Souban, tu touches pas à ça, tu le laisses respirer. Tu es un vendu Souban. Moi, je suis d'accord avec Dave. J'aime mieux son style de jeu aujourd'hui que l'année passée. Mais ça, c'est le style. Il fait juste prendre l'expérience, le gars. Non, ça, il vient plus vieux, il vient plus mature. Le Chris, mais arrête Souban, tes affaires de genre. Ça, c'est le plan de match. Faut pas que tu coupes son mojo. Ça, c'est pas Souban qui change, c'est le plan de match. C'est le coach qui a un nouveau. Non, mais ils ont changé comme tout le staff de défense. Ils ont tout changé. Il attaque beaucoup plus. Il est pas castré. Il l'empêche pas de faire tout. Tu veux le castrer. Hey, tu veux que je le caste. J'espère que t'as des crises de César. Mon gars, tu veux le castrer parce que c'est. Mais ça, c'est une autre histoire. Le jeu en prolongation qu'il a fait contre les Sables, qui a essayé d'aider le gars, il a pas gagné. T'as rien, il a tout de suite tapé ses doigts. L'année passée, il serait pas arrivé sur Piqué qui s'est fait un jeu. Il n'y avait pas personne qui allait chialer l'année passée. Cette année, il s'est fait dire tu fais pas ça. C'est un jeu individuel. Cette année, il est coaché. Mais j'aime mieux son style. Je veux pas être pessimiste, mais coacher un joueur comme ça, je veux dire comme Bergy, coacher un joueur. Ça t'offre peut-être 3-4 ans, peut-être, là. Ben, c'est ça que ça y prend. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ça t'offre ton cadran, on va demander Souban de faire « Fuck you, man. » Sauf qu'il y a le meilleur, non, le meilleur coach, joke, là, probablement un des meilleurs coachs dans la ligue pour entraîner des recrues, présentement. Les bons jeunes. Parce qu'il a entraîné Crosby, il a entraîné des meilleurs recrues de la ligue. Il y a le bon gars pour l'entraîner. Moi, je pense que... Je pense pas qu'il se fait castrer au point que c'est pas bon pour lui. Faut que tu lui casses une couille. Mais tu y laisses l'autre. Ouais, tu y en laisses l'autre. Comme Phil Casson, juste une couille. Alexandre n'est pas d'accord, là. Je suis pas d'accord. Le joueur, t'as pas besoin de le castrer, t'as besoin de l'encadrer et de donner un bon système de jeu. C'est servi au même, mais l'encadrement, c'est ça qu'il y a. Ah, ta gueule, laisse-moi parler. T'as pas besoin de le castrer. Hey, tabarnak, tu m'as donné un autre 2 minutes. Il a eu sa sauce, ce style-là. C'est gros jeu. T'as pas besoin de le castrer. T'as besoin de l'encadrer, de donner un bon système de jeu. Puis c'est ça qu'on fait en ce moment. L'année passée, il y avait pas de système de jeu. Il jouait comme une poule pas de tête, comme un... Fait que dans le fond, L'année passée, c'est parce qu'il jouait... On dit toute la même affaire, juste pas pareil. On se comprend pas. Non, mais vous autres, vous dites, non, il est encore trop fou, mais non. Non, c'est pas ça que je dis. Cette année, on est d'accord, mais l'année passée, j'étais pas d'accord de la façon qu'il montait tout le temps à Puck. Ouais, mais c'est parce que, sérieusement, l'année passée, il jouait encore comme dans le junior, comme dans le championnat du monde junior. Les juniors, c'est le même, ça monte des Pucks. Tout ce que j'ai dit, c'est que cette année... Il en fait encore des erreurs, mais il en fait crissement moins que l'année passée. Oui. Puis c'est ça que je veux, parce qu'il est coaché. Ouais. Je dis pas de le castrer, pas en tout. Il est bien coaché. Il a été castré cette année d'une couille. Pourquoi vous êtes pas d'accord avec... Je vais prendre ton terme. Je pense que tout le monde est d'accord. Encadré d'abord. Ouais, peut-être t'aimes mieux ça. Non, sérieusement. Mais dans le fond, on a la même calisse d'affaires. Bon, prochain sujet. J'aime mieux ça. Vous, les boys, là, avant qu'on passe à la Ligue nationale et à d'autres choses en général, avez-vous d'autres sujets par rapport aux Canadiens que vous voulez aborder? qui concerne le CH. Ben, je pense que M. Souban a été très... J'essaie de parler genre comme Gauthier dans le temps. Ben, Marc Bergevin fait une bonne job. Puis, on a signé un contrat content. Avec M. J'en ai un. Ouais, vas-y donc, Alex. J'en ai un. OK, ben... Aimez-vous les conférences de presse de Michel Therrien? Il a remis à sa place un journaliste la semaine passée, je pense. Il fait des jokes. Ben, c'est sûr, là, quand il gagne. Quand ça va bien. Quand il gagne. Mais il y a un journaliste, une fois qu'il gossait et qu'il disait là, t'as des joueurs qui produisent pas ou je sais pas. Non, l'indiscipline. C'est quoi ça, l'indiscipline? De qui tu parles? Tu me parles de qui, là? Qui tu parles? Parce qu'on paye sur le PS. Les journalistes continuent à être vagues. T'as le trio. Non, quel joueur, là? Qui tu parles? Mais ça, c'est un gars qui fait les games au 98.5. C'est quoi? Danny Dubé, Martin McGuire. C'était Martin McGuire qui demandait qu'est-ce que. Ouais, puis c'est lui qui a mis sa place. Ben, c'est, c'est parce que là, enfin, on a plus un show de politique, là. On a plus l'impression d'écouter des parlementaires, là. Parce qu'avant, avec Charles Martin puis Bob Gainey, c'est ça. Connie Worth, Mais Connie Worth, il est pas mardeux, parce qu'il s'est retrouvé là par défaut, puis il s'est ramassé dans le mal. Il a passé un brûlé. Personne ne se rappelle. C'était pas un mauvais gars, Connie Worth. C'était pas un mauvais gars, mais il n'y avait pas ce qu'il faut pour faire la ligue. Mais non, mais c'était pas ça le but non plus. Le but, c'était de coller là en attendant, puis that's it. Qu'est-ce que ça allait rajouter, Alex? Ben, moi, je veux juste savoir. La date arrive le 3 avril, c'est la date de limite d'une transaction. Ouais, ça sent rien. Penses-tu que le Canadien bouge? Je pense pas des gros moves. Des petits moves? Des petits moves. Comme signer des gars genre dans Western Hockey League. Il n'y a aucun joueur qui arrive avec moi, le Canadien. Moi, j'ai une rumeur. Oh. En fait, j'ai vu... Mais tu sais, ça... Allez, commencez pas à... Elle a de la merde à moi, là. On va t'en donner, mais c'est pas grave, vas-y. Je te garantis pas qu'on t'en donnera pas. On va t'écouter avant. J'ai vu que peut-être... Ouais. Fais attention à ce que tu vas dire. Vous avez hâte, hein? J'ai bâti le suspense. Hey, qui va venir? Ribeiro à Montréal. Gros playmaker, genre de Desharnais, je sais pas, là tu reviens trop dans le vieux canadien puis il y a une mauvaise réputation. Il produit en salle de merde. Mais on a-tu vraiment besoin de quelqu'un qui produit encore plus que ce qu'on fait présentement? Je pense qu'on a pas de problème de ce côté là. Mais je sais pas pourquoi que tu sais genre dans toutes les places ils parlent de Ryan Clough. Je veux pas, Ryan Clough, c'est San Jose, il va s'en débarrasser. Ouais, mais là, il y a beaucoup de noms dans les Sharks cette année qui se filment. Il y a Ryan Clough, puis il y a le défenseur Boyle, Dan Boyle, et tout dans les Sharks. Ça, c'est Boston qui le veut. Ouais. Boyle, il y en a un autre, je pense. Boyle, il est trop cher. Ouais, c'est ça, lui, il a signé plein de total. On a 7 millions, il fait rien. Non, mais la rumeur hier, c'est ça. Comme ça. C'était lui contre Gaborik. Ouais, Gaborik, ouais. Ils valent le même prix. Gaborik, c'est une chose, mais Richard à 12 millions. Pas bon. Ouais, mais moi, je touche même pas Richard. Quelle déception. À chaque année, c'est ça. L'année passée, les Rangers, c'était mon team, man. À part le Canadien, c'était le team que j'aimais voir, genre comme. C'est eux autres qui ont signé Gomez à 7.5 millions pendant 9 ans. Ouais, non, mais je pense que c'est le team que j'aimais voir, comme voir où ils se rendaient. C'est comme intéressé par eux autres. Ah, mais ils ont chié dans le mythe, ben raide. Puis cette année, ils sont mauvais, man. Tout le temps ça, man, le président des Rangers. Gomez, 7 des millions. Voici Richards, 12 millions, man. C'est simplement Là, il est pogné à Rick Nash. Rick Nash, c'est le fun à voir, par exemple. Ouais, ça, c'est un nasty joueur. C'est un nasty joueur, mais. Ils ont des joueurs, là. Ils signent tout le temps comme un. Ils ont des joueurs de tête, c'est fou, là. Ils ont tout le temps eu ça. Non, pas tout le temps. Oui, souvent. Parce que dans les débuts d'année 2000, il avait essayé d'acheter à coupe, là. Il avait été chercher Kovalev, il était trop pacté, le club, là. Ça marchait pas parce qu'il était trop pacté. Tant qu'il était Rangers. Ils ont gagné la coupe et tout. Ouais. Avec Kovalev, cette année-là, ils l'ont gagné. C'est la seule coupe de Kovalev. 94. Tant que c'est le cas des Rangers, le problème chez Rangers, ça serait-tu Tortorella? Ça serait-tu quoi? Tortorella. Ah, ben là, c'est sûr, lui, il est en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Ben là, il a plus choix. Il achève-tu? Lui, il fait des coches. La conférence de presse avec Buffalo. Moi, je pense qu'il achève. Il achèverait-tu? Ben oui, c'est sûr. Je pense que la mentalité, plus ça va aller, plus la mentalité va changer. Puis la mentalité d'une équipe va changer. La mentalité va plus ressembler à un style comme le Canadien qu'un style comme Tortorella qui fait juste gueuler et être en tabarnak après ses joueurs. Ça, c'est les joueurs vont tourner. Puis à un moment donné, ils vont tellement être en crise qu'ils vont être obligés de quitter. Mais dans le temps, ça marchait, ça. Parce que le coach, on dirait, dans le temps, il fait les gueules. Ben, c'est ça, mais dans le temps. Non. Ben, il y en a tout le temps, il y a une course, deux, trois de même. Oh, mais ça va finir, ça. Puis les frères Souders sont de même. Il y Il y a comme juste ceux-là qui sont de même. Ouais, puis à l'inverse, t'as des gens Bruce Boudreau. Ça, c'est ouais, mais c'est gros c'est... mou, genre. Hey, ouais, mais hey, ça marche bien. On a ça avec les Ducks, par exemple. Ouais, mais le gros mou, ça marche bien avec les Ducks, cette année, par exemple. Mais ça marchait bien avec Washington aussi, puis il n'y a jamais rien gagné pareil. Ça marchait pas bien avec Washington. Ça s'entendait pas avec Ovechkin. Ovechkin, c'est capitaine, puis il se passe rien. Les Capitals sont quand même tout le temps premier. Ben là, cette année, par exemple, les Ducks, c'est ça qui est gros danger, man. Les gars, il reste à peu près 2 minutes et demie à la période. Okay, j'aimerais qu'on parle d'une dernière affaire du Canadien, le C sur le chandail de Brian Gionta. Au vidange. Non, je suis pas d'accord. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le garde? Ouais. Est-ce qu'on devrait le changer? Pour l'instant, on n'a pas personne d'autre que je verrais Canadien, à part peut-être un Plekki. Changer moi, un moi, C. Moi, je l'aurais plus donné à lui au début. C'est un leader. Sauf que. Pas dans non, le Cross, Québec, je mettrais le C. First. Mais pas cette année. Pas cette année, c'est le C. Attendez, je veux juste savoir pourquoi tu veux parler de changer de C. Là. Non, je demande juste si présentement, dans le Canadien qu'on a actuellement, est-ce que c'est Gionta qui mérite le C du capitaine, étant donné la nouvelle direction. Est-ce que Gionta prouve le contraire que le C devrait bouger de place? Je veux juste dire une chose. C'est que Gionta a compté le premier but de l'année pour le Canadien. Puis après ça. Après ça. Ça, c'est béton, ouais. Non, t'as peu. Après ça. Ça, ça vaut un C, ça. D'ailleurs, c'est tout mon point, puis tu vas comprendre. Après ça, il n'y a rien calissé. Mais présentement, il est rendu à 10 buts. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Bon, moi, gars, je suis un peu d'accord. Je m'excuse, mais je pense qu'il a montré du leadership. Il a montré qu'il n'était pas si pire. Moi, au début de l'année, je me disais pourquoi il y a le C. Puis présentement, je m'en calisse. OK, first, là, d'habitude, un C, tu donnes jamais ça à ton meilleur scoreur anyway. C'est pas le meilleur scoreur que tu veux, c'est un leader. C'est un leader, que ce soit un leader silencieux. Je parlais juste de ça, généralement. Ouais, mais l'aspect point, moi, je m'en fous. Sérieusement, pour un capitaine, moi, je m'en fous. Avec Carbonneau, t'es capitaine, puis c'est un premier centre, troisième trio. Tu donnes jamais un C à ton meilleur scoreur. Faut quand même que tu montes par l'exemple, faut que tu fasses de quoi. Puis tu sais, si t'es pas leader ailleurs... Il travaille tous les soirs. Ouais, exactement. Parce que sinon... Cette année, ben ça paye, il est rendu avec 10 buts, c'est le deuxième meilleur marqueur. De toute façon, avant de le donner là à Plekanec, là, tu le donnes à Georgia 100 000 à l'heure, man. C'est pas vrai, là, Georges, là, c'est un peu mais y en a pas mal lent. C'est comme j'en verrai dans là. Le futur comme Bouillon, tu sais, mais il sera juste les Witch. Cette semaine, à Gallagher, j'ai entendu dire que Armstrong avait un impact positif dans le vestiaire. Ben, c'est sûr, c'est un esti d'état. Tous les joueurs qu'on joue avec ont dit oui. C'est un clown. Il fait des jokes dans le vestiaire. Tous les joueurs qu'on joue avec ont dit oui. Avez-vous remarqué aussi à quel point que Markov déconne les entrevues cette année? Ouais, ben, t'as vu sa face en arrière. Il fait tant de déconner. Il a l'air d'avoir une meilleure ambiance dans le vestiaire. On a vu aussi qu'au début de la saison, il voulait rien parler à propos de Subban. Puis c'est drôle quand que Subban il compte un but en power play sur une passe de Markov. Il saute d'un bras, man, puis il met le gant dans la face, puis toute la grosse patente. Je pense que oh, et c'est la fin. Ben Darche, il a dit, il paraît que quand que Darche est parti du vestiaire du Canadien, hier, il disait ça dans la chambre, il a pointé Subban vers le Bouillon, puis il a dit ça que là, tu sais exactement qu'est-ce qu'il fait, il va te montrer qu'est-ce que c'est. Puis il dit Piqué il bifurquerait un peu et dit Bouillon, ça serait le genre de gars de dire tabarnak, prends ta place. Mais c'est pour ça qu'il garde peut-être un an. C'est un des. Il paraît que c'est un des. Ça va être un leader, plus, man. Genre, vraiment, c'est là, un coach. C'est un coach. C'est un coach, mais présentement, il joue. Pis c'est bon pour les jeunes, justement. C'est bon pour des Subban, des Ténor. T'as rien, il l'aime tellement. Ça paraît pas. C'est parfait parce que ça t'en prend des gars de même. C'est parce que ça t'en prend aussi. Il t'en faut. Pis c'est là, tantôt, là. Puis tantôt, on parlait genre d'Edmonton que ça marche pas, là. C'est à cause de ça. Ouais, mais ils en ont pas de vétérans. Non, c'est ça, ils n'ont pas de vétérans. Ça prend des vétérans, ça prend des bonhommes, ça prend du monde pour les. Pour les endosser, ces gars-là, puis leur dire, OK. Sur ça, on va aller faire un petit refill de bière. On s'en va prendre une entracte et on revient pour la troisième période. On va prendre un entracte. Un entracte. Et on commence la troisième période. Ce buzzer-là a de la misère, je sais et pas. Et voilà. Ça prend un quadruple... Hein? Ah, bon, un double tap. Ah, c'était beau à tout ça. Hey, il y a eu la réunion des DG cette semaine. Oui. Parlons-en, Alex, tu avais deux sujets que tu voulais qu'on aborde par rapport à ça. J'ai vu ça cette semaine. Hey. Mais pour de vrai, il y a deux sujets qui m'intéressaient. C'est... La première, c'est j'aimerais entendre juste votre opinion. Deux. Ouais, juste deux. Pour deux qui sont cool. OK. Ouais, tant mieux, juste deux. C'est trendy. Ouais, parce que, qu'est-ce que vous pensez des vols en Floride? Faudra moins cher pour les équipes. Non, je veux pas savoir ça. Dans le fond, j'ai pas compris ce que tu as dit. C'est pas important. OK. Beau Derek. Dave, tu entends le gros. Beau Derek. Bon, ce que je veux parler, c'est... C'est ça, les directeurs généraux, maintenant, font les recommandations à l'association des joueurs, puis les directeurs, les gouverneurs de la ligue. C'est la première, le premier point, un des points, dans le fond, pas le premier, parce que je sais pas si c'est le premier qu'on va discuter. Ah, ben, c'est le premier que nous autres, on va discuter. Vas-y, parlons du tien, là. C'est les icing, dans le fond. Tu veux parler des icing. Les icing, est-ce qu'on garde les icing? Est-ce qu'on garde la course à la rondelle? La course à la rondelle. Hybride. Ou on siffle comme international. Moi, je dirais. Ou j'irais hybride. Ouais. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Non, sérieusement, t'es en train, là, je vais faire mon Don Cherry, là, mais t'es en train de virer le hockey gay en faisant ça. On veut des gens cassés. Non, parce que. Non, c'est pas vrai, sérieusement, je pense. Serait pas blessé s'il y avait eu le règlement hybride. Bergeron, il aurait pas eu un neck collar avec des vis. Mais là, pour expliquer, c'est quoi le règlement hybride? C'est que c'est à la discrétion de l'arbitre. Il peut siffler quand même. Mais ça, encore une fois, c'est pas encore de remettre trop la game dans les mains de l'arbitre, de faire ça. Je suis d'accord avec Jeff, c'est là. Pour hockey, les arbitres ont comme une opinion. Il y a un règlement, c'est un règlement, ça devrait s'appliquer. Puis le hockey international, c'est le même, ça se fait. Non. C'est aussitôt que le puck il drop dans le fond, puis ça s'en va comme au fond de la zone, il siffle tout de suite. Mais hybride, c'est que tu peux faire ça, ou que tu peux dire non, l'arbitre, un règlement hybride, ça serait que l'arbitre déciderait je laisse la course aller, il n'y a pas de danger. Ou non, je siffle tout de suite parce que là, il y a un danger que le gars Quand tu vois que le défenseur ou l'attaquant, il y a comme une majeure longueur d'avance sur l'autre, puis que ça va mener un check, ben là, tu fais comme OK, c'est là que tu le coupes. Là, mais qu'est-ce que ça va faire un règlement hybride comme ça là, c'est que là, l'arbitre va décider OK, ça a de l'air safe, il va laisser la course. Il y a quelqu'un qui va se blesser, qui va se péter un coup, puis ça va tomber sur le dos de l'arbitre après ça là, aussi. C'est ça, parce que l'attaquant. Il faut mettre la responsabilité à ce point-là sur le dos de l'arbitre. Là. C'est ça, parce que l'arbitre, si l'attaquant il voit qu'il y a peut-être qu'une chance, il va pas siffler, puis c'est là que le hit apparaît. C'est là que le hit est dur. Ça a l'air con, mais c'est un point qui est vraiment dur à négocier. Ben, sérieusement, moi je pense que. Moi je pense que si tu fais ce règlement-là, t'es aussi bien de le faire comme. Au hockey international. C'est costaud que ça. Le pas qui se ramasse dans le fond de la zone, que le bras, il lève. Le goaler lève le bras, mettons, pour dire comme icing, whatever. Tu siffles, t'arrêtes ça là. T'sais, sinon, fais pas ça parce que sinon, ça va encore mettre plus de pression puis plus de conneries sur le dos des arbitres. Blablabla. Il y a juste en Amérique du Nord. Il y a juste en Amérique du Nord qu'on aime pas ça puis on fait comme non, c'est dur ce règlement-là. T'sais, on dit ah, c'est dur à décider. Hein. On aimerait ça que ça siffle tout de suite, mais en même temps, ça va tuer le. Mais le hockey, c'est un sport vraiment conservateur. Nous autres, en Amérique du Nord, on est plus axé sur le physique. Puis ouais, il va peut-être avoir le hit dans le fond, mais on l'aime, le hit. C'est comme les visières, là, tu sais, le port de la visière aussi. Quand là, il c'est bien comme, fait, le hit, on l'autre sujet que tu voulais parler, le port de la visière. Non, mais avant, on va statuer. On est cinq, on peut voter. Ouais. Moi, je vote pour conserver le règlement comme il est en ce moment. Ouais, moi aussi, pour vrai. Ouais. Moi, j'hésite comme Dave anti-hybride puis conservé. Qu'est-ce qu'on a présentement? Un hybride, j'aime pas, ça Jean-François, c'est toi qui décides? Ben, moi, j'irais pour le règlement international. Ah, toi, c'est celui qui évite le plus les blessures, je pense. Ok, mais pas hybride, là. Non. International, non, vraiment, c'est le que la POC dépasse la ligne, c'est fini. S'ils veulent le faire, on n'aura pas de consensus aujourd'hui. Faites ça, aussitôt que la POC se ramasse en aide du net, ça siffle tout de suite, puis bing, bang. Est-ce qu'il y a des gens sur la chatroom qui ont une opinion par rapport à ça? D'ailleurs, on s'excuse pour la chatroom. Ben soir, oui, il y a Richer qui nous dit que les arbitres ont déjà beaucoup de décisions à prendre. Ouais. Puis ça va peut-être juste donner plus de. Les refs. Les faire plus de conneries. Ouais, ils suivent pas la game parce que la game est tellement rendue rapide. Cette année particulièrement, là, ils ont redonné comme. La Ligue nationale a comme redonné plus de droits aux refs, là, comme plus de genre décisions qu'ils prennent. De responsabilité. De responsabilité, on sait ça. C'est comme eux autres qui prennent vraiment une décision, c'est à la discrétion de l'arbitre. Ouais, comme l'obstruction. Tabarnak, c'est jamais pareil. On sait jamais qu'est-ce qui va se passer d'une game. L'obstruction qui colle au joueur défenseur. Tu sais que le gars, il dompe la puck dans le fond, il essaie d'aller la chercher dans le fond, puis le défenseur fait juste se mettre en avant pour obliger le forward à comme jumper du côté. Là, il bloque juste un peu pour pas qu'il ait la puck en premier. Ça, des fois, il colle l'obstruction, des fois, il colle pas. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme la dur, la, hein? La pénalité que Sauben a fait prendre là, au gars. Là, il a poussé le gars, puis le ref, il a comme dit que le gars, il avait comme peut-être faké sa chute. Ça, c'est comme wow! Ouais, embellishment, il y a encore la crise cette année. Ouais. Mais ça, là, on va l'entendre bientôt sur embellishment. Ouais, mais on va en reparler plus tard. Alex, ton deuxième point que tu voulais dire par rapport à la rencontre des DG, c'est justement par rapport aux arbitres. Ouais, est-ce qu'on devrait avoir le droit de contester une décision de l'arbitre un peu comme au football, lancer un flag genre. Un pour des pénalités, pour des icing, pour des hors-jeux, n'importe quoi. Quel cas. Si c'est un. Bon, moi je dis un. Un au football, c'est quoi? C'est un seul ou c'est plusieurs? Mais tu perds ton temps d'arrêt si c'est pas bon. Exactement, c'est ça que je dis. T'as le droit à un mouchoir, sauf que si jamais t'as pas raison, tu perds ton timeout. Que t'en as juste t'en un. T'en as juste un timeout. Au ouais. football, il y en a trois, ouais. il en perd deux. Parce okay, que sinon, mais là, tu perds ton sinon, timeout. Sinon, tu vas avoir trop d'arrêts pour rien. Ouais, fait que là, tu fais deux ouais, icing, t'as plus de timeout. Tu, en fait, en mettons en prolongation, c'est 4 contre 3. D'habitude, ils prennent un timeout. Ou en fin de la. Tu sais, ils font 6 contre 4, mettons. En fin de troisième période, puis tu perds par un but, t'as plus le droit de timeout. Ça coûte cher, là, si tu trompes. Mais t'aurais-tu le droit de caler un jeu de l'arbitre ou ça tue la vitesse de la game? Ouais. Parce que c'est pas sûr que chaque ref pendant une game vont pitcher le mouchoir. Si la game, il n'y a pas besoin de timeout, tu vois que ça s'en va pas vers un timeout. C'est sûr que tu pitches son mouchoir, ça. Revient comme un timeout. Sinon, ça peut être même plus long. On peut changer la conséquence du lancer le flag, mettons. Ça peut être. Ben, l'autre conséquence que tu pourrais mettre, c'est mettre un 2. Au lieu à mettre. Ben, ouais, non, pas un 2. Pas une pénalité pour un flag. Mais ben, admettons, je sais pas, une mise au jeu en zone adverse. Ben, non, j'aurais pas de pénalité pour un flag parce que c'est comme si tu pouvais être un atout. Non, non, non. Ah, mais si c'est pas. Si tu jettes ton flag et c'est pas justifié, tu gagnes pas ton point, c'est un delay of game. Ouais, mais c'est parce que c'est un avantage numérique au hockey, ça a tellement une grande influence. Ouais. Là. Ouais, ça bon, peut changer une game parler, au complet. Là, okay, non, moi, je pour parler, vraiment, j'enlèverais ton timeout. Ouais. Moi, c'est ça que je ferais. T'enlèves le timeout ou, je sais pas, tu fais une mise au jeu en zone adverse. Ah, carrément, ouais. Timeout puis mise au jeu. Tu fais ton timeout puis tu fais une mise au jeu en zone adverse. Parce que dans les autres sports, mettons au tennis, ils ont 3 challenges qu'ils peuvent faire. Ouais. Mais au hockey, c'est un, tu sais. Ouais, juste un. Ouais, juste un. Non, non. Il faut pas commencer à en enlever plus parce que là, hockey. Même un, c'est gros, mais genre un, je serais capable de l'accepter, mais c'est parce que ça commence à ralentir le jeu. Puis là, tout ce qu'on parle, là, les affaires qu'ils veulent faire, dégagement refusé. Les après ça, t'as les genre pitcher un flag. Si tu mets deux affaires de même, tu ralentis le jeu tellement. Non, le hockey, ça, c'est un jeu rapide, puis c'est ça qui est le fun du hockey. C'est pour ça que c'est mon sport. Parce préféré. Que le hockey, c'est là. Parce que c'est rapide, ça arrête jamais. Mais... L'idéal, c'est qu'il faudrait que ça arrête encore moins que ça. T'sais. Puis là, en plus, ils ont raccourci les mises au jeu. Il faut que tu sois vraiment puis ça. Ils ont mis moins d'annonces publicitaires. Ouais, ils ont dit, par rapport aux mises au jeu cette semaine, d'arrêter de zigonner avec la POC, les arbitres de dropper la POC, puis aware. Puis arrêter de changer comme les centres, puis tout ça. C'est un peu du niaisage. Non, mais imaginez, moi, je serais un coach, genre, OK, je vois dessus de la stratégie, je peux. Un mouchoir. Ok, je fais un icing que j'ai, mon team est un peu fatigué, je décide de pas prendre mon timeout. Après ça, on fait un autre icing. Facile. Moi, je pitch mon mouchoir, mais je conteste le deuxième icing. Puis après ça, ça prend combien de temps à faire un review en haut? Ça prend même plus de temps que le 30 secondes. Ben, c'est long, c'est pas ton tour. Je vais pitcher mon mouchoir, puis que moi, je peux avoir une minute de timeout. Ah, mais gars, si le jeu est vraiment pas justifiable, tu sais, si mettons c'est un icing, puis c'est clair que c'est un icing, il n'y a même pas de question. Tu mets un 2 minutes, il est off game. Non, mais ouais, parce que là, le man, c'est rendu encore là, tu donnes le jugement à l'arbitre, c'est-tu trop tard? Il y a un 2 minutes des layoff game en playoff, là, j'ai hâte de voir ça. Ah, mais au football, le coach, un coach qui fait ça pour rien, tu sais, mais quand, mettons, c'est un icing, le gars, il est dans sa zone, il drop dans le fond, là. C'est sûr que c'est un icing, il n'y a même pas d'ambiguïté. Puis, gars, le coach, il lâche son flag. Ça, c'est vraiment un delay of game. C'est comme pitcher à puck dans non, mais j'allais dire, mais c'est un méchant gamble, là, lancer ton football, flag. Là, c'est ça, mais tu sais, c'est l'exemple d'Alex. Ce que j'allais dire, Alex, c'est que le football, c'est un jeu beaucoup plus lent en tant que tel. Que le coach hein? Au oui, football, il peut le pitcher quand il veut son joueur. J'aime bien le football. C'est probablement un de mes bons des sports que j'aime après le hockey. Mais le hockey, quand t'aimes le hockey, c'est... Ça a quelque chose de hockey. Si t'aimes pas ça, t'aimeras pas ça. Il faut que ça soit vite. Mais c'est ça qui est c'est le fun, c'est que c'est rapide. Le football, c'est plus la stratégie. Au football, oui, chaque jeu est pensé. C'est vrai ça. Ça fait que c'est plus lent à cause de ça. C'est plus pensé. Le football, c'est comme jouer au Battleship. Le hockey, c'est comme du basketball, mais comme meilleur. Parce que le basketball, c'est plat en tabarnak. Mais c'est vite comme sport. Ouais, basketball, là, man. Si tu sais que ça va finir, genre 80 cucks à genre 100 cucks. Pour ça, c'est tellement vite. Qu'est-ce que ça donne, man, d'avoir un. Ouais, ça, c'est trop vite, là. Non, mais admettons, là, mais au football, juste de même, là, au football, me semble, la passe n'est même pas complétée, puis souvent le flag est déjà parti, là, tu sais, me semble, là. Ça arrive, me semble. Ça, les refs, pas le coach. Ok, c'est ça, c'est refs. Les refs ont dit. Moi, je suis pas un connaisseur de football dans les autres. Il attrapera pas la balle parce que justement, le corner l'a retenu. Fait que c'est pass interference. On est-tu à la soirée du Super Bowl ou à la soirée du hockey? Je suis d'accord. Moi, puis Mike, on finit le temps à parler un peu de football. Moi, j'aime bien la crosse. Moi, si on peut-tu parler de la crosse? Ça finit 10-12. Tu sais, ça, c'est un entre-deux. Ça, c'est quick en essayant. Ça brasse. Oh, et ça brasse ensemble. Il y a des hommes en calvaire. Ben, prends donc un vote. Sûr. OK, ben, comme on a fait tantôt, on prend un vote maintenant sur est-ce que on a le droit de contester les décisions des arbitres, oui ou non? Moi, je dis non. Moi aussi, je dis non. Non. Non, moi non plus. Moi, ça ne me tente pas de voir ça. Oh, là, on a statué 5 contre 0. On est d'accord. Ça, on n'a pas de droit de consensus. Consensus. Moi, je suis pas assez. Je suis pas assez conciliable. C'est pas assez configuré pour moi. Je cache pas assez. Il n'y a pas assez de structure pour que je puisse changer la game autant. Le conciliable, on n'en parle pas assez de ça. Puis sérieusement, je pense que au hockey, la plus grosse écharpe du hockey là, que tu peux avoir dans ce sport-là, c'est l'arbitrage. Pour vrai, c'est clair et net que c'est l'arbitrage. Puis en plus, on casse la glace, man. Ouais, mais ça fait partie de notre game. Ouais. Ben, en même temps, on est habitué à ça, ça fait partie de notre game. Ouais, mais ça, mais c'était pas le même avant. Avant, non. Maurice Richard se fait retenir par les bras pétés dans la face. Avant, il n'y avait pas deux arbitres. Il y avait deux juges de ligne, puis il y avait un arbitre. C'était aussi pire, man. C'était peut-être t'en aussi pire. T'en mets un deuxième. Mais... c'est juste, mais... regarde, on le fait. Mais il serait quasiment mieux. Sérieusement, là, ils ont-tu vraiment besoin de juges de ligne? Moi, c'est ça, je me demande. Oui. Moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de deux arbitres. Ouais, parce que c'est bien trop rapide. Là, les transitions sont tellement rapides, ça prend un gars partout, quasiment. Les arbitres ne peuvent pas tout checker. Ils peuvent pas skater aussi rapidement. Yeux, j'ai mon micro. Ils ne pourraient jamais skater aussi rapidement que la POC se passe. Là, non, hey, tout les arbitres, ils ont dû assez de stock à checker avec la pénalité et tout ça, les hockey. Puis. Bien confus. Les gars, je pense que ça fait le tour pour ce qui était de la rencontre des DG. Non, les visières. Ah, ok, on prend un vote. Visière obligatoire, oui ou non? Oui. Oui. Non. Moi, conservateur, j'y vais, non. Ah, moi aussi, j'y vais. Parce que les visières, là, ça impose c'est qui est des poussis puis c'est qui est des hommes. Ouais, mais c'est comme un collège privé, tu sais. Quand tout le monde est habillé de la même façon, il n'y a personne qui est des poussis. Ouais, mais quand moi, je joue avec les hommes, je ne mets pas de lunettes protectrices. Ouais, je suis d'accord avec ça, moi. Il y a quand même un bon point. Mais j'aime pas les visières, en tant que tel. Moi, ça me dérange pas, man. Si tu joues avec les hommes, toi, personnellement, tu mets-tu des lunettes protectrices ou pas? Moi, je ne mets pas. Moi, j'ai. Non, mais t'es un épée. Moi, je ne mets pas des petites pads, man. Est-ce que c'est facile d'avoir un snap dans le. Ça n'est jamais arrivé. Si tu joues, moi, je jouais def puis j'y mettais parce que ça brasse à moi tout, man. J'ai mangé des coups de chaise sur la tête en faisant de la lutte, justement. Puis j'ai passé au travers des chaises, j'y mettrais les lunettes. Pourquoi je vais me blesser les yeux par un bâton qui va me rentrer dans man. L'œil? C'est fatigué, ouais, c'est juste après les yeux. Moi, ça me fait mal dans l'air des oreilles des lunettes. Non, je mettrais pas les lunettes. Je mettrais peut-être pas les lunettes au cas où, mais je mettrais peut-être la visière au hockey, par exemple. Bon, je sais pas. Toi, tu porteras pas la visière? Hey, moi, je me mets plus les lunettes au Cosum que des visières au hockey. Hey, je suis pour la visière au hockey, mais je mettrais 100 fois plus les lunettes au Cosum que la visière au hockey. Je suis pas au Cosum. Non, pas moi. Si ça va, c'est Cosum. Pas moi. Balle à plastique. Ouais, je sais, ça rentre en salle, mais sérieusement, je mettrais entre une balle orange. C'est pas la balle, le problème, c'est la palette. Hein? C'est pas la balle, le problème, c'est la palette. Ah, mais la palette, hey, sérieusement, je vais te dire que moi, là. La palette là, m'a fessé pas mal plus ses orteils souvent en allant chercher une balle dans le coin que pis ses jarrets que d'un j'ai oeil. J'ai déjà mangé la palette juste en haut de la joue ici. Là. Dans le chat room, Richie nous dit que... Hey, tu n'avais pas mis de lunettes, là, peut-être ça glissait et ça m'entrait dans l'œil. Ah, avec des lunettes, moi, c'est pas con. Dans le chat room... Hey, Richie dit quelque chose. Dans le chat room, ils nous disent que la visière, oui. Bon, je suis d'accord avec toi. Yes ben sir. Écoute, fait c'est vrai que ça fait 3. Bon. Fait que ça, c'est neutre. Ouais, et voilà, on est neutre. Ouais. Et maintenant, les gars, c'est le retour de ma chronique 2 minutes de pénalité. Bon. Cette semaine... Ça va, Alex? Ouais, non, cette semaine, 2 minutes de pénalité à Claude Julien pour ses commentaires sur le Canadien et justement le Ben attends un peu. Commentaires sur le Canadien parce que ça a commencé comme ça. Et sur... Puis après ça... Ça arrête pas, il fait de ce temps-ci, il fait juste chialer sur le embellishment. Ben, ouais, c'est un gros bébé. Puis en plus, j'ai l'audio. Attends un peu. Puis juste avant, je veux juste dire que Boychuk a faké un sale coup, mon gars. Il a jamais eu de bâton dans la face. Si vous voulez vous amuser, tapez dans YouTube Bruins embellishment. C'est probablement le team. C'est probablement le team qui en a le plus. Sur notre Facebook, c'est probablement le team qui en a le plus. Marchand, il n'y avait pas d'enfer. Chara, il en fait. Ouais. Mais justement, avant de parler de Claude Julien, on va écouter l'extrait sonore. The frustrating part is that you end up 17 minutes in a penalty box when you should have been on the power play. Hey, it's as simple as that. And it's frustrating because, you know, tonight, as everybody saw, there's a lot of embellishment, and this is embarrassing for a game, the embellishing. And right now, they've got over 100 power plays so far, and it's pretty obvious why. And we're trying to clean that out of our game. And it's got to be done soon because, you know, it's not about tonight. It's about the game. And the embellishment embarrasses our game. And we need to be better at that. And it was pretty obvious, you know, when PK gets hit and he throws himself into the glass and holds his head. And you know what? If we start calling those penalties for embellishment, maybe teams will stop doing it. But until we take charge of that, it's going to be an issue. We play our game, and the physicality of our game is part of it. And we just had to go out there and compete hard. And we can't change. And, I mean, if our hits are clean or, you know, even a push in the corner on Ferentz, you know, a little push and they throw themselves in the boards and another power play. And we can't change our style. We got to play the way we play. If it's clean, then it should be deemed clean. But, you know, and it's hard on referees because when people embellish, it makes them look bad. Well, we just got to make sure that we get the right people when it comes to that, and we call the embellishment. Maybe it'll stop embarrassing referees. Bon, fait que l'autre Julien, en résumé, qui. Moi, ça me fâche. Jeff. Ouais. Ta gueule, gros con, man. Ouais, mais non, pour mais... résumer, pour ceux qui ne parleraient pas anglais, le Claude Julien parle de l'embellishment. Ce qui résume à dire en mettre trop. À faker. À faker de faire des fausses blessures. Ça, c'est du bon français. C'est de l'excellent français. Et il a parlé de Piqué Souben qui se lance dans la baie vitrine et qui se pogne la tête. Puis il dit c'est une honte pour notre sport. On essaie de jouer clean. Okay. Pis, déjà, quand tu commences par faire du name dropping et à nommer un joueur en particulier, là, c'est parce que. Tu l'as vraiment pas digéré. Ah, puis deuxièmement, c'est parce que. Puis deuxièmement, c'est qu'il a été comme out-coaché là, dans le fond. Là. Il était out-coaché. Y a-tu quelqu'un de moins bien placé dans la ligue pour parler de jeux clean que Claude Julien? Je le dis, Google. Les pas fucking Google, YouTube, Bruins, man. Bruins embellishment, c'est malade, ok? Marchand se calisse dans la bande en défoncé mental. Shara. Ce sac dans la bande, on en fout, man. Il se pitch! Mais... Il se fait plaquer par un joueur comme trois fois plus petit que lui. Il se garoche dans la bande comme s'il s'était fait ramasser par genre Hulk. Ben, le plus gros problème des Bruins, c'est que c'est des late hitters. Ça veut dire qu'à chaque fois, je fais la passe à Dave, après ça, je me fais plaquer. Les Bruins, ils plaquent tout en même parce qu'il faut qu'il y ait la réputation d'être solide. Oh, ouais. C'est pour ça que ça fait des, ça a l'air des gros hits. Je me débarrasse de la poche, je me dis bang! Il va toujours plaquer. C'est là pour ça qu'ils prennent autant de pénalités. Parce que ils là, sont le gars, gros il se retourne. Sales, par exemple. Là, C'est leur. Ils ont comme une gimmick. C'est comme Philly. Philly, une gimmick. Claude Julien qui dit que c'est de la faute que le Canadien fake si les Bruins ont des pénalités. Hey! Non, ça l'a fait chier parce qu'il a perdu ce soir-là. Ouais, mais t'es un coach professionnel, tu vas pas dire ça en entrevue. Puis son capitaine qui a été genre comme droppé, man, contre Emelin pour essayer de le, tu sais. C'est comme ça, sérieusement, ils ont perdu le contrôle. Claude Julien a perdu le contrôle. Puis Claude Julien, excuse-là, mais s'il y a un coach dans la Ligue nationale, là, qui a deux baguettes dans les airs, là, pour une petite niaiserie, c'est bien lui. Il perd la tête, il a la mèche courte en tabarouette. Lui, là, il chiale pour tout. C'est pas compliqué. Quand il est sur le banc en arrière, il capte, n'importe quelle décision d'arbitre, il est jamais, jamais d'accord. En plus, il y a tout le temps un commentaire à passer. En plus, t'as pas le gros Julien. Tu sais, il dit « It's all about the game » puis on veut plus voir autre chose que on veut vraiment la game. C'est pas bon de notre sport. Après ça, tu dis que les joueurs du Canadien se pitchent partout puis que c'est une honte pour le sport. Hey, check donc tes joueurs, t'es une... T'as la moitié de ton club, c'est une disgrâce pour toute l'histoire de la Ligue nationale, du hockey, tu sais. Ouais. Hey, Marchand, Chara, Lucic, bon club. C'est des estis de tout gros crush. Club, là. C'est un bon club, hey, dude, change de club, pour de vrai, là, je veux dire, j'arrête ce club-là, man, à Montréal, puis tout le gars, je dis, oui, j'aime les joueurs qui sont là, mais on arrête ce club-là à Montréal, on chaudrait pas une seconde, man. C'est l'estis powerhouse, là, Brain Brew. Ben, c'est meilleur club dans l'Est. Ben, ça, tous les joueurs, j'ai haï, puis Claude Julien, je l'ai. Pas ben, sûr. Non, c'est le club le plus tough. C'est le club le plus tough. C'est le club le plus dur à battre. C'est pas le meilleur club, meilleur. C'est Pittsburgh. C'est pas le meilleur club. Non, je pense, mais sérieusement, non. C'est le club qui est le gréé pour aller plus loin, pour aller en playoffs. C'est Bruins. Non, c'est Pittsburgh. Non, c'est Bruins. Je sais pas parce que Pittsburgh. Ah, ben. Ça prend un équilibre. C'est la fin de la troisième période. Je pense qu'on va aller en prolongation parce que j'ai quelques sujets qui me restent. Puis juste de même, là, les équipes qui ont gagné les Coupes Stanley, souvent, c'est les clubs qui ont le plus de pénalités. Puis les plus tough. Le Canadien, en plus, à TSN, quand ils ont joué contre les Sables, là, TSN, le gars, les Canadiens venaient d'avoir un power play. Puis RDS a fucké. Fait que tu sais, genre, j'ai mis tout de suite TSN. TSN, lui, ils ont continué à broadcaster, puis c'était la game du Canadien. Puis le gars, il dit, oh, you know, the Canadians, the team in the NHL had the most power plays. Mais tu sais, en essayant de justement renchérir là-dessus. Là. Ouais, les réseaux anglais essaient de renchérir là-dessus, de dire, ah, le Canadien, tu sais, c'est le team qui a le plus de power play. Mais tout de suite, l'analyste a dit, ouais, mais c'est parce qu'il dit, vu qu'eux autres, c'est un team possession pack. Ouais, ça veut dire qu'eux autres, ils ont toujours la POC. Ouais, ouais. Fait que les autres, vous quand t'as la POC, t'as des pénalités. Ben oui, quand t'as la POC, man, l'autre équipe va vouloir te l'enlever, puis pour te l'enlever, ils vont pogner des pénalités. Ben oui, ils vont des pénalités quand t'as la POC. C'est pour ça qu'on a le plus de power play. C'est pas parce qu'on dive, c'est justement pour ça. Puis tes gars, c'est qui dive? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, il y a beaucoup de joueurs, sérieusement. On n'est pas des Mikey Ducks. Ils le font. Ça arrive une fois. Hey, c'est important de le faire. Moi je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Ils font pas mal plus qu'on peut penser. Oh ouais, mais ça fait partie de la game. Puis il y a pas un team, je pense, qui le fait plus qu'un autre. Oui, c'est comme du soccer. Ben, c'est moins pire que du soccer. Moins pire. C'est pas mal moins pire. Avant d'embarquer dans les. Il y en a pas mal, mais c'est pas un team plus qu'un autre. C'est pas Montréal. Mais sérieusement, c'est pas parce qu'ils ont plus de power play, comme Alex disait, que c'est eux autres qui le font. Parce que c'est eux qui ont la porte. C'est général dans la ligue, toutes les teams le font. OK, mais ce qui fait que Montréal est encore plus comme sa blacklist, là, puis je dis blacklist, hein, c'est Subban. Pour vrai. Ah, ben, parce que Subban, c'est le joueur le plus dérangeant de la Ligue nationale. Ben, c'est un Subban, puis deux, on a du succès. Commentaire raciste. Je me dis ceci. Non, c'est aucunement raciste. Ben, c'est un Subban. Un Subban, puis deux, c'est parce qu'on gagne, tu sais. Ouais. Ça fait chier qu'on était un team de 15e position l'année passée. On est premier, puis on est bon, man. Mais Subban est tellement détesté, puis Subban, c'est vrai que c'est comme a good comedian. Tu sais, là, c'est comme. Il est bon pour mettre le paquet. Il est bon pour mettre le paquet. Il est noir dans le sang, man. Il frustre le monde. Mais c'est ça, une grosse attitude. Et voilà, c'est correct, tu sais. Avant d'embarquer, je suis content de l'avoir de mon bord. Alors, on est tellement chanceux. Ben oui, on devrait tomber en prolongation. Ben, c'est ça. Puis avant, justement, avant d'aller en prolongation et de commencer les quelques sujets qui restent, j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent live dans la chatroom de nous envoyer s'ils ont des sujets, commentaires, qu'on va passer en rafale dans les tirs de barrage qui sont réservés aux fans. Bon, disons, les questions, on va poser des questions. Et voilà, l'auditoire qui. Ok, alors, mon premier. Moi, j'ai dit tout de suite, à un moment donné, faut que j'ai une pause pour aller au vestiaire. Ah ben écoute, vu qu'on prend une pause, on va au vestiaire et on revient dans 5 minutes. Qu'on fait la glace, là. On fait la glace et on vous revient. On commence la prolongation et on n'a pas de buzzer pour la prolongation. J'aimerais qu'on commence par parler de la feinte de Kaspar... C'est comme pas une vraie période. Kasparitis? Non, Kaspar Dogavin. Dogavin, je sais pas comment. Ah, le gars des sénateurs qui a fait avec le petit bout de la palette. Ça, c'est la fin de la ringuette. Ouais, pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est qu'il a mis son bâton sur le dessus de la... On n'a pas parlé l'autre fois, ça? Non, mais non, c'est arrivé après. Je sais pas, man. C'est une feinte à la ringuette. La ringuette est facile. Ah oui, il a mis son bâton sur le top de la POC. Ben, Jeff, comment? Serais-tu d'accord en tant que coach d'avoir ce move-là pendant une game de pendant ta saison? Pendant la saison, ça dépend à quel point. Faut un tour de table. T'es dans le bas du classement, le haut du classement. Oui, tu veux le voir parce que ça surprend le goaler. Oui, ça fait un pas pour la foule. Mais non, parce qu'ils ont perdu le match à cause de ça. OK. Puis en bout de ligne, c'est les deux points, je pense, qui sont importants. OK. Vas-y. C'est quoi la question? Ben OK, la fin qui a fait coach. Pouvez-vous répéter la question? La question, il a mis le bout de son bâton sur la puck, puis il a mis son tir de barrage. Il a fait une fin de fin. Non, on parle de cette situation-là. Toi, t'es coach des sénateurs. T'es-tu en beau Chris? T'es-tu en Chris que ce gars-là a essayé cette feinte-là, ou t'es d'accord, ou tu dis c'est correct? Je suis d'accord. OK. Parce que, genre, il aurait pu surprendre le gardien, là, puis il a failli le surprendre. Ouais. Mais il y a un autre gars dans la nationale qui a essayé ça avec les Browns, ça n'a pas marché non plus. Bon. Mais lui, il l'a fait dans la Ligue américaine, puis il l'avait eu. Ouais, il l'a fait dans la Ligue américaine, il l'avait eu. Mais, OK. Moi en tir de bâton, garde. Si t'es capable de faire ce que tu veux avec ton asti de bâton, tant aussi longtemps que tu gardes la rondelle à l'auteur de la barre verticale du but, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, non, mais quand tu fais ça, tu peux pas lever à POC. T'es-tu d'accord ou t'es pas d'accord? Ah, tu peux pas lever à POC, c'est clair. C'est sûr, mais sauf que. Ouais, sauf que il y a combien de buts en tir de barrage qui se font entre les pads, man? Plein, hein? C'est bon. Marque ton opinion. Ouais. Ben, rentrer une POC de même entre les pattes, c'est quand même assez tough. Le père, parce que c'est comme tu ailles, c'est de. C'est un petit dangle bizarre, là, pour vrai. Là. Ouais. Mais pour vrai, moi, je pense que, sérieusement, c'est. Non, je pense que c'est correct. C'est un bet à prendre. C'est un gamble, faire un shot de même. Mais il y a combien de joueurs que, anyway, ils tirent, genre, justement, comme à peu près, comme à un pied entre la pad puis à mitte, anyway, puis le goal, il arrête ça easy, là. Fait que, ouais, il a essayé de surprendre le goaler, dans le fond, puis c'est comme, ça aurait pu être un shot comme, un gars qui décide de prendre un shot super easy, là, puis ça rentre juste pas. Du poignet, là, rapide. Ouais, là, c'est ça. Tu sais, genre qu'en affaire, là, que le gars, le il gars est sloppy. Il fait par l'arrêter. Il t'envoie des fois, là, des hosties de bons scoreurs, puis ils font un hostie de move sloppy. Tu fais comme, wesh, man, qu'est-ce que t'as fait là? Non, c'est ça, tu sais. Fait que non, c'est correct. Tu prends-tu, tu trouves ça correct? C'est non, vrai. Mais ce gars-là, il a fait les highlights de la semaine quand même. Puis je veux dire, c'était bien passé, c'était audacieux. On l'avait jamais vu, je pense, encore. Okay. Mais ça, c'est en tant que femme, en tant que coach. T'es-tu d'accord? Ah, en tant que coach, c'est sûr, je vais dire, t'es un esti départ. Tu fais un shoot, man, vise le top corner, man, fais de quoi? Fais plier le goal, fais les bouger. Mais ça, avec ça, en tant que fan, c'est sûr que le move est hot. Là, puis tout le monde va s'en. Mais je veux dire, mets-toi dans la peau du coach. Non, dans la peau du coach, c'est sûr que je vais demander à mon joueur, je vais dire, gars, sois plus conservateur, puis ah ouais, envoie-moi un esti beau wrist shot ou fais-moi un beau déjou que t'es vraiment habile avec ton stick. Ok, ben moi, je suis l'option mort. Oui, je trouve ça bien correct en tant que fan, c'est super cool. Mais en tant que coach, j'aurais jamais été d'accord qu'il fasse ça. Premièrement, c'est les goalers, justement. Le gars, il se met en crab, c'est sûr que. Puis il garde les pattes de chaque barre. Ah, c'est facile. T'as aucun moyen de lever la puck. Fait que le goaler, déjà, il sait, bon, ben, il lèvera pas la puck. Puis deuxièmement, c'est comme, ok, tu peux faire ça pendant le match des étoiles. Puis c'est ça, je manquais sur Internet. Tu peux faire ça pendant le match des étoiles, mais tu ne fais pas ça dans un match quand t'as Spezza, Michalek. Non, excuse, t'as pas Spezza, là. Spezza se fait opérer dans le colonne. Ils sont blessés. Là, okay. Ils sont vraiment sont en mode urgence. Ils continuent à gagner, les sénateurs. Il faut leur donner ça. Ils sont vraiment une équipe qui surprenne. Asti, qui sont bien copés dans le goal. C'est dangereux. Fait que les deux points sont importants. Puis gaspille pas une chance en faisant ça. Regarde ça pour le match des étoiles, là. Bon. Quand le monde ont texté, genre, qui a fait le but le plus hot. Mais tu fais pas ça dans une vraie game. Alex? Moi, je pense pas que c'était une chance gaspillée. Je trouve que. Il a essayé, il a eu sa chance, il l'a essayé. Si ça avait rentré, il aurait pu surprendre. Le monde aurait eu un discours complètement. Ah ouais, c'est vrai. Sauf que, en tant que. C'est sûr qu'en tant que fan, on est tous d'accord avec ça, là, c'est divertissant, puis c'est cool de voir ça. Personne ne voit ça, fait que c'est. C'était une fin de malade. Mais en tant que coach. J'aurais été en tabarnak là, comme jamais. J'aurais fait genre pour les séries. En tant que coach, on est là, on est. Je l'aurais sermonné, j'aurais dit, hey, t'es-tu sérieux? Ouais, mais c'est la question. T'as le choix d'avoir un wrist shot, là, un bon wrist shot. Ou tu fais une cochonnerie de merde. Ben, c'est sûr que t'es moins habile là, avec ton stick. Là, on genre. Tu peux pas rien faire. C'était une chance comme une autre. Il a essayé de faire un deck, il l'a manqué, il a fait un bet là, tu sais. Il aurait pu l'avoir, il aurait pu. C'est un gamble, man. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Ben, puis en tant que fan, je suis d'accord qu'il l'a fait, mais si jamais en tant que coach, j'aurais vraiment pas trippé. Bon, mais tant qu'à ça, tu sais, faire ça ou de faire un shot de marde raté. Ouais, non, mais au moins, essayer de déjouer. Non, mais ça, moi, Mais ça doit être le genre de trick là, que les gars comme genre Doug Evans, là, il fait ça. Ça pour le fun. Tu sais, quand ils se font des shootouts à la fin des pratiques. Ouais, tu fais ça pour le fun après, tu pas dans un. Mais il avait dit. Il y a Richie dans le chatroom qui lui dit qu'il a touché le net avec sa feinte, puis Rask. Qui a fait tout un arrêt. Puis c'est vrai que Rask a fait un arrêt parce qu'il était sorti de son net, Rask, puis il a étiré la jambe, puis il est allé rejoindre. Il a réussi à revenir. Ouais, mais c'est un spinorama. C'est sûr que le spinorama, c'est ça qui va arriver. Ouais. C'est juste que. Un vrai spinorama qui l'avait gardé justement. son sang, il aurait pu la lever, la porte. Ok, mais justement. Là, c'est un spinorama qui arrête avec la patte. Il fait un complément à ça, puis il nous dit. Qu'est-ce que vous pensez, ben dans le fond, du retour en arrière avec la rondelle? Attends, je suis pas d'accord. Doug Evans, là, quand il l'a fait, il a parlé aux médias après, puis il a dit « Je l'ai essayé avec tous les gardiens de la Ligue nationale, puis à chaque fois que je le faisais avec un nouveau gardien, c'est la première fois qu'il voyait, puis il comprenait rien. Ouais. » Il y a eu tous les gardiens qui ont essayé, sauf Rask quand ça comptait pour vrai. Fait que c'était un bet qui a perdu, puis c'est de la bad luck, là, tu sais. Pis c'est quoi que Therrien aurait dit à ça, serait lui qui l'aurait coaché. On va y parler, il va comprendre. Puis quand ils ont affronté les sénateurs, la dernière fois, ils sont allés en tir de barrage. Ça faisait la deuxième fois qu'ils allaient en tir de barrage contre les sénateurs. Puis il a demandé à Peter Budaj si c'était le même gardien qu'il avait affronté la première fois. Peter Budaj, il a dit non, puis il a compté. Fais-y ça en place. Mais c'est contre Bishop. Mais c'est ça, c'est lui, puis lui, il a compté. As-tu compté? Oui. C'était ils ont pas perdu ce match-là non, contre Bishop. Contre Bishop, ils ont perdu. Il l'a fait la fin, puis il a pas réussi à compter. Ah oui, mais le dernier match qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, c'était pas Bishop, c'était l'autre. Il a demandé là, c'est-tu le même? Parce que Bishop, c'était un monstre. C'est ça, là, c'était Lehner la deuxième fois. Puis là, il a dit, c'était-tu le même goaler? Il a dit, vas-y, il l'a fait, puis il a score. Mais Richie nous parle. Richie nous parle en plus sur le chat de le retour en arrière avec la rondelle. Est-ce qu'on devrait interdire ça? Oui. Ouais, absolument. Commence pas ça parce que ça va finir avec des wrap-around, genre, là. Non, non, là, non, non, mais non, pas un wrap-around. Quand tu vas derrière du but, un Saint-Louis, non, mais un Saint-Louis qui fait un 360, dans le fond, il recule la rondelle. C'est ça que Richie veut dire, je pense. Ouais. C'est que si je fais un 360, dans le fond, la rondelle, elle arrête de bouger par en avant. Mais là, on parle vraiment en tir de barrage. Non, non, parce que ça finira plus. Le règlement d'un shootout, c'est que la rondelle doit toujours aller vers l'avant. C'est juste que si je patine vers l'avant, puis je fais un 360, puis je tire. Dans le fond, elle est revenue en arrière. Ouais, c'est clair. Après, c'est tiré. C'était ref, là, faut que t'aies des couilles en asti pour refuser le but après. C'est ça. Ouais, ouais. Mais techniquement, par le règlement, la rondelle est revenue en arrière. Par le règlement, oui. Mais. Mais ils gagneront pas. Mais non, parce que c'est beau pour parce le show. C'est spectaculaire. Man. Batman, le spectacle, ça va aller c'est bien. Bon, man, oui. Après ça, ça va dans les highlights, man, pendant un an, man. Pendant un an, on voit les highlights. Mais ça, dans le fond, là, c'est le problème en partant. Ça découle d'un seul problème. C'est. Les tirs de barrage, ça devrait-tu avoir sa place dans le fond? Ben moi, ben oui, oui. Oui. Ben si tu gagnes, tu gagnes 2 points. Puis si tu perds, tu perds. T'as 0. C'est fini là. Il n'y a plus de game d'un. Sauf que moi, j'aime pas ça qu'un match se décide en tirs de barrage. Y a plus de game sauf que les matchs d'un point. Hey, man, laisse-moi dire sauf que les matchs d'un point, ça te fait des classements pas mal plus serrés aussi. Ah, mais puis ça fait sa fête encore plus. T'as un point même si t'as perdu. Ça, c'est un autre sujet qu'on faudrait parler. Pourquoi quand t'as une défaite, t'as un point? Ben, regarde ça, on en parlera dans un prochain podcast. Parce qu'il est rendu au temps réglementaire. Il n'y a pas eu de décision. Ouais, t'as fait de belles efforts. Au soccer, c'est pas le même. C'est parce que souvent les joueurs. Non, tu dis au soccer, mais au soccer, c'est des deux games. Moi, ce qui me fait chier de ça, c'est que les deux teams, ils peuvent se mettre à jouer super conservateur pour se dire on se ramasse un point. Ça devrait pas, ça devrait être donné jusqu'à la ça va fausser donner la touche. C'est poche pour ça, mais je rejoins quand même ton point sur le fait que c'est vrai que. Le fait qu'il y ait des 2 points puis des 1 point ou 0 point dans le cas d'une victoire en temps réglementaire, ça fait un classement qui est beaucoup plus serré. Puis t'as une fight jusqu'à la fin. C'est ça. Puis ça, c'est bon pour le show aussi. Ben non, mais à un moment donné, si c'est égal, tu vois que les deux teams, ils back off puis ils protègent leur 1 point. C'est bon pour la game live, mais c'est pas bon, c'est bon pour le show. Si tu gagnes, tu gagnes 2 points. Si tu perds, t'es 0. Fini là. Tu perds de la même façon. Tu gagnes ou tu perds? Tu gagnes ou tu perds? Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de milieu. Je suis pas en désaccord avec ça. Avant, t'avais des 82 games, là. Tu perds 20 games en prolongation. Mais tu perds tout le score. C'est 20 points, là. Ouais, c'est 20 points. Non, mais c'est pas grave. C'est pas genre, ok. C'est pas juste le Canadien qui va avoir juste 1 point ou 0. La ligue va marcher le même. C'est. Là, ça, oui, les bonnes équipes vont gagner. On en reparlera de la métanor. Salle des teams qui gagnent en prolongation. Les Bulls, c'est super bon. Là, c'est sûr que les teams, tu verrais des teams élites puis des teams plus bas. Ouais, OT, là, c'est un stats. Là, c'est comme, comme au baseball. Ben, ça, Yankees, ça rend le sport plus serré. Ça rend serré présentement. Ouais. Là, ça le diviserait. Ouais. Puis les clubs qui traînent la patte. On va changer de sujet parce que ça serait encore pire. Ça traîne, on a fait le tour de ce sujet. Des nouvelles en bref. Vous allez faire une voyelle et vous allez m'écouter. Ryan Getzlaf, 5 pour 8 ans à Anaheim. Ça sort, là. Voilà. Getzlaf va signer pour 8 ans à Anaheim. On s'est-tu planté la dernière soirée du podcast, j'ai dit qu'on était pour aller chercher Getzlaf. Ouais. On s'est planté, puis on a tout dit, ben d'abord, ça va être. Parce que j'étais pas là. On s'est planté. 8 ans. C'est quand même. Est-ce méchant, que quelqu'un qui peut me dire l'âge de Getzlaf en ce moment, l'âge exact de Getzlaf? Absolument pas. On attend, là. La dernière fois, on a parlé de Getzlaf. Ouais. Puis là, c'est Perry qui a été signé. Les deux. Mais les deux. Le premier à avoir été signé, c'est Getzlaf. Non, c'est Getzlaf. Le deuxième, c'est Perry. Perry a été signé pour genre. Pas mal le même affaire. Gros là. Montant, mais là. J'étais convaincu que jamais il était pour signer deux. J'étais sûr qu'il était laissé partir un. Ça m'a stupéfait. Ben, là, c'est l'âme de leur équipe, eux autres. C'est Ryan qui s'en va. Là. Ouais, ben ok, ouais, ben ouais. Ben, ça... Bobby Ryan. Puis c'est pas tant d'argent que ça. Il faut le garder. Là. Non. Non, effectivement. Tu peux signer Koivu, c'est l'année prochaine. Non, non, mais là, c'est l'année qui commence à achever en estique. Il score encore. Il va scorer jusqu'à 75 ans. C'est l'année. Il y a 1 million. C'est l'année en passant qui est comme à 24 points ou je sais pas quoi d'un record là, d'être comme des first. Le meilleur, là, ouais. Le meilleur européen qui a jamais joué dans la NHL. Ouais, c'est ça. Là. Non, c'est comme ça. Après Zadie Cannon. Dans l'épisode 2, on a parlé de Ryan O'Reilly avec la montée en fou. Il est super bon. Il est super bon parce qu'à son premier match, il a compté dans son but. Ah, je sais. Le but à 5 millions, mesdames et messieurs. Ouais, mais c'est du quoi, ça vaudra jamais le but que Bouillon a fait un beau top corner dans son match, par exemple. Ça, j'y pardonne plus que Ryan O'Byrne. Ou justement O'Reilly. Ah oui, mais ça, c'était... Ou Stahl qui vient de scorer dans son but, puis c'était attribué à Brasseur. C'était un essai de dégagement. C'était trop beau, là, son top corner clash. Bouillon, il a essayé de dégager à la POC. Tandis que Ryan O'Byrne, il a passé au gardien quand il y avait une unité à retardement. Crampe au cerveau. Là. Colorado, c'est une équipe. Ah ouais, attends, que... je vais passer à Price. Alex, oh, tu viens de dire qu'il y a eu un but qui a été crédité à Brodeur. C'était son troisième but en carrière à Martin Brodeur. Ce qui fait de lui un joueur plus performant que Scott Gomez. Il est le meilleur attaque offensive. C'est le goaler qui a le plus de buts jamais dans la NHL. Mais celui-là, il l'a vraiment pas shoté, par exemple. Non, c'est le bad luck à la... Ça y est, en fait, il a touché. C'est le dernier joueur des Devils à y avoir touché. C'est qu'il y avait une pénalité à retardement. Puis non, il a fait un arrêt. Là, puis il a envoyé genre le retour dans le coin de la patinoire. Puis Star, le premier. Il a fait une passe par la bande. C'est le dernier à y avoir touché. C'est ramassé en net. Puis il y avait une pénalité à retardement. Montréal s'était fait scorer le même à un moment donné aussi. Non, non, c'était filet désert en fin de game. Non, c'est une pénalité. Non, c'est pénalité, c'est pénalité première période. C'est pénalité première période. Ouais, c'est ça. Je première période. J'ai beaucoup le match, je dis ça comme ça. Bah, pourquoi tu m'as... Il se sent, mais on le sait. Alex, il a checké les résumés de la game sur Wikipédia. Je t'ai dit première période, pénalité à retardement. C'est une bonne game. D'Agostini, 7 buts. 7 semaines. Chip Chura. Il a été échangé au Devils. Ouais, c'est ça. 190 overall. 7 buts. 190 overall. 7 matchs en 5 cette semaine, je suis à première ronde. Stamkos a atteint le plateau des 200 buts. 200 points. 200 points, excuse-moi. 200 points. Crise de joueur. Stamkos, là, ça, c'est un joueur que j'irais chercher pour mon équipe. Pour mon équipe, ça serait Lucic. Instead of Lucic. OK. Là, j'ai pas... Je vais m'en aller. Non, non, on parlera pas de ça. Non, on n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. Pas le joueur, genre. You said it. T'as mal posé ta question. Je me suis dit dans ma tête, mais personne ne l'a entendu. You said it. OK, on passe à d'autres choses. OK, ben, personnel à toi. Les gars, je pense qu'il faut rire un petit peu d'abord, on va passer à quelque chose d'autre. Mike Komisarek a été cédé aux mineurs. Celebrate your time, come on. Hey, a seat fucking motherfucking turncoat à marre, man. Good time, come on. Ok, c'est un peu chier, bon sale. Puis là, c'est quoi la rumeur? C'est qu'il va sûrement se faire ramasser par les Islanders parce que c'est un gars de Long Island. Take him. Ah ouais. Ouais, c'est un gars de Long Island. Puis eux autres, ils vont le ramasser là parce que là-bas, il est bien aimé. Ce gars-là va se faire acheter son contrat. Ouais, mais Islanders, c'est un mec qui vont le ramasser. Ça a montré que s'il joue pas avec Markov, là. Il est de la merde. Et voilà, c'est ça, je te disais. C'est Markov qui a valu son contrat de 4,9 millions. Tu disais ça quand? Comme c'est vrai que je disais ça dans le creux de l'oreille. On a parlé ensemble. Moi, je connaissais ça en code. Effectivement, Martin, ça, tu me disais. Puis non, man, he got what he deserved. Je suis tellement content, man, ce gars-là. Il était... Tu fais pas ça en tant que joueur canadien. Il était pas pressenti, lui, avec. Hey, man. Pour être capitaine, à un moment donné. Oui, oui, il y avait des rumeurs pour être capitaine. Il était bon contre Markov. Il était leader. Ouais, sérieusement, là, OK. Pour nommer des capitaines, là, Montréal, ils ont été Girouette. Ah oh, ouais, ben là. C'est les joueurs qui votaient. Ça, c'est les médias. Avant Giotto, c'est les joueurs qui votaient. Mais je pense que Chura. Il y a quand même un certain talent, là. Chris Higgins. Non. Ben oui, quand non. Même... non, à part faire des mises en échec, il n'y a rien. Là, ben, il est quand même pas si pire que ça. Il va retrouver une job. C'est un bon DD, c'est un bon défenseur. Un bon, okay. Défenseur un bon défenseur à 1 million. Non, mais max, mais par imagine-tu un million. Attends, un million, peut-être pas. Oui. Non, comme Sarah, qu'est-ce qu'il a fait à Toronto? Il n'a rien fait. Non, à Toronto, non. Il n'a absolument rien fait. Toronto, pour un gars de 4 millions. Non, mais c'est ça que je te dis. Mais imagine jamais. Je pense que le Canadien n'a pas offert même un contrat pour suivre Toronto. Qu'est-ce que ça veut dire, Alex? Ça avait été dégagant le sujet. Ben, je dirais non, parce que le monde disait les capitaines, ah, c'est pas le bon capitaine, mais Giunta, c'était un capitaine élu par la direction. Mais avant ça, c'est peut-être les joueurs qui ont voté pour le capitaine. Ouais. On peut pas chialer là-dessus. Les joueurs, ils ont dit, ben, c'est le coup avec vous, c'est le capitaine. Guy Carbonneau, c'est le capitaine. Kirk Muller, c'est le capitaine. Ben là, t'as peu, là, sur que loin, là, King, si, là, non, Guy Carbonneau, ça toujours, tout ça. La... Là, non, tu rentres dans un air de winner, été... là, non, pas l'air, ça coupe avec vous, là, s'il te plaît. C'est la tradition du Canadien de voter pour un capitaine. Ça coupe vous, puis tout ça, avant, après, whatever, mais ça a tout été joueurs. Oui. Parce que ça a marché de même traditionnellement. Mais il y avait sa petite clique. Parce que, il y avait sa clique. Parce que, genre de Craig Rivet. Il y avait d'autres joueurs. Parce que même aussi. Si t'as senti, il y avait Shane Carson en ce temps-là qui si était t'as si t'as 23 joueurs, puis il y en a 12 dans sa clique, là, il gagne. Ouais. Hey, c'est un bon calcul mental. Ça. Deux dernières petites nouvelles, les gars. Kovalev a pris sa retraite. L'artiste se retire. L'artiste. Et voilà. Good for him. Et voilà. Ben oui, il a bien fait. C'est une vraie honte cette année, ce qu'il a fait. Non, ben il est trop vieux, puis il s'est cherché. d'aller chercher son chèque. Ben non, ben gars, mais il y avait encore des mains agiles pareil. Kovalev qui sera dans le match des anciens bientôt. Puis en passant, Alex s'est pris sa retraite, il n'est pas payé par les Panthers. C'est pour ça que les Panthers disaient prends ta retraite, puis il a dit ok, oui, puis il est pas payé. En début de saison, il est allé chercher une coupe de 10 000. Il voulait se prouver. Parce que ce gars-là, il avait fait l'engagement, le genre que. Je vais jouer jusqu'à 50 ans. Je vais être comme Bobby Orr. Je pense qu'il se croyait. Même si à ce temps, on a des patins Easton, puis pas en bois. Mais, outre ça, est-ce qu'on l'a apprécié à Montréal l'année qu'il a fait 80 quelques points? Quand il perdait son casque, puis il scorait, on l'aimait. Yeah, c'était fantastique. Bob Gainey, il fallait qu'il parle sur le canal au vieux port pour le calmer. Ah ouais, on l'aimait. Non, sérieusement, moi, je peux juste dire une chose, c'est qu'on a eu le meilleur de la carrière d'Alex Kovalev à Montréal, je pense. Il y a eu le meilleur. Il a joué pour les Rangers. Puis les Pingouins. Mais sa deuxième meilleure saison ever, c'est avec Montréal. On a connu du très bon de Kovalev, mais on a connu la marde aussi. Ouais, mais Kovalev, c'est tout le temps été ça. Ses points, check ses stats en carrière, là, ça a été genre 44 points, 45 points, 75 points. C'est sa deuxième meilleure saison en carrière qu'il a faite avec Montréal en 2007-2008. Wow. Avec genre 80 quelques points, excuse-moi. Ça a été un joueur hyper électrisant. Puis dis-moi quel joueur que tu as eu qui a fait autant de feintes, autant de style beau goal, autant de shifter, tant de gars que ça dans la Ligue nationale. Kovalev, viens pas m'enlever ça. Sérieusement, c'est dur à battre. Je vais commencer la liste. Ah oui, bon, ben. Non, tu commenceras pas à dire de personne. J'ai jamais vu personne faire des geeks de même autour de plein de joueurs. Une dernière nouvelle, les gars. À l'international. C'est lui, dans le temps, qu'il avait ses équipes. Chalant, man. C'est autant de le renommer. Hey, I don't give a fuck, man. Ton camarade est-tu au temple, man? Ça va jouer à KHL. Non, il sera jamais au temple de la renommée. Non, man. Non, non. Comme à Montréal. Non, il va jouer au match des anciens. Il sera jamais intronisé au temple de la renommée. Oh, attention. Kovalev va avoir droit au salon des anciens. Avec les crottes de fromage puis les paparbandes. Avec Gilbert Delorme. Il va avoir un veston. Mike McPhee. Un veston rouge vin. Stéphane Lebeau. Mais c'est quel joueur t'as eu avant? Là, on a Galchenyuk maintenant. Mais avant Kovalev, quel joueur t'as vu à Montréal qui avait ces mains-là? Qui Donald Odette? Stéphane Rochelle. Chris, c'est pourri. Là. Ces joueurs, ils jouaient une game sur 10, mais la game qu'ils jouaient sur 10, c'était la plus excitante. Sergei Samsonov. Sergei Samsonov. Sergei Zoltok s'est pété une crise de cœur en Russie, man. Asti, là. De quoi il est rendu? Il est mort, Sergei Zoltok. On t'en nomme un. Ross Courtnell. Le chevreuil. Oleg Petrov. Martin Grudzinski. Martin Grudzinski. Encore temps, on va pas dans le vieux stock parce qu'on finira plus. Là. Ben, c'est ça. Justement, dans Steve la nouvelle plus à l'international, on avait dit qu'on avait des fans en Suisse tantôt. Hey, on voulait vous dire bonjour. Non, mais c'est pas ça. Il est arrivé un accident récemment dans la Ligue nationale B. Ronnie Keller qui s'est paralysé. Ben, je suis sûr que notre ami suisse, il s'en calisse du B. Lui, il check le A. Non, mais. Oui, ça fait le tour de la nouvelle. Voilà, Alex a résolu. Non, mais sérieusement, très malheureux pour ce joueur-là. Mais sérieusement, son move, je l'ai pas compris de break. Genre de faire un break, puis genre de s'arrêter, s'immobiliser en plein milieu de la patinoire. Le résultat, moi, j'ai pas vu. C'était weird. Okay, sérieusement, j'ai juste une affaire à dire. Le résultat, tu fais pas ça, le résultat est terrible. Non, c'était pas la faute du défenseur. Le résultat est terrible. C'est tout. C'est très, très, très malheureux. C'est à cause de ça que je joue dans le mais c'était bizarre, son move, sérieusement. J'ai pas catché. C'est parce qu'au plus de tomber, comme sur le côté, il est tombé tête première par en bas. Il a fracturé deux vertèbres. Non, mais je comprends, mais son move était weird. Il est mort. Non, non, il est juste tétraplégique. Non, paraplégique. Non, ça, sérieusement. Sérieusement, on le crissait dehors parce que sérieusement, c'est vraiment pas drôle ce qui s'est passé. Le gars, il est paraplégique, puis le gars, il bougera plus à cause de ça. Là, moi, je le connais pas. C'est un incident qui est très, très malheureux, puis c'est isolé, puis c'est pas la faute de personne, c'est un accident parce que c'est pas comme s'il y avait eu un gros cross check dans le dos, puis. Mais ça va arriver un jour dans la Ligue nationale, ça, par exemple, un accident de ce type-là. Mais j'avoue contre un, puis mais j'avoue que le jeu était bizarre, mais lui, sa façon. Non, mais c'est-tu sa faute que c'est arrivé parce qu'il savait pas jouer au hockey? Weird, man, il s'est pas protégé, il est juste arrivé, lui, puis il a dit, moi, je vais faire ça. Ben non, mais il joue dans le B, dans le oui, Alex, lui, il s'est dit, moi, à soir, si je perds mes jambes, c'est-tu pour ça, tabarnak? Moi, parce que j'ai pas vu la vidéo. Mais c'est ça, t'as pas vu la vidéo. Mac, Alex. Mais il se met sur un coup de vulnérable. Moi, je vais me coller ça à la tête, me péter à la nuque, assis en bande. Après ça, je suis plus capable de pisser, man, avec ma bite. Hey, moi, non, ouais, moi, je joue contre quel gars, mais je m'arrêterai pas à deux pieds de la bande de me tourner le dos contre ce gars-là. Mais c'est même pas tourner le dos réellement. T'es tabarnak, t'es supposé être un joueur professionnel. Je voudrais savoir comment il se passe. Sur cette animosité, c'est la fin de la prolongation, les gars. Ben ouais, alors, on va hey, ouais. Out, là. Ben hey, oui, hey, est-ce qu'il y avait eu des questions, Dave, pour les titres de barrage? Ou ouais, tout le ouais. Monde est parti parce qu'on dit n'importe quoi? Tout le monde est parti parce qu'on dit n'importe quoi, ok, mais ça, c'est pas grave parce qu'on peut quand même. Il y en avait quand même! Il y avait des questions, on peut répondre aux questions. C'est de barrage! S'ils sont partis, on manquait de goût, là. Ben, ils vont l'entendre. Ok, sérieusement, là, c'est vrai, là, les sites, là, on n'a pas genre de scoop de rumeurs. Non, on fait juste jaser. On n'est pas okay. Si vlogué que ça. Là, c'est pas de raison pour partir. Si on n'a pas vraiment des micros, là. Mais on a une question, par exemple, qui nous est venue. On a une, là. On en a une. Bon, ben alors, on aura un tir de barrage. Ça sera un tir de barrage et ce sera le but. C'est spectaculaire. Peut-être. Regarde. Hey, on peut-tu la faire ordonner, celle-là? Ouais. Donc, chacun notre tour. Ah, ouais, ouais, on fait chacun notre ouais, tour. Ouais, un vrai tir de barrage. Hey, tu peux bien parler, toi, on fait chacun notre tour. Hey, moi, à cause check que je dis que c'est un handicapé, ici, man, je me fais chier dessus. Check pour le Scandi, toi, qui essaye de mettre de l'ordre. Alex, il est bon dans la chambre. On relax. Il renchérit en plus, le corps. C'est pathétique. Embellishment. Alors, quelle était la question, Dave? Ok, mais c'est fou, Red. Ouais. Fait que la question, c'est les prédictions pour les matchs à venir. J'ai le calendrier, les boys. Bon. Bon, ben, premièrement, là, les matchs à venir, on va donner les matchs qui s'en viennent. On fait un podcast, mettons, au mois, à peu près, trois semaines au mois, à peu près. Le prochain match, c'est contre les Sabres de Buffalo samedi, donc demain. Easy one. Pittsburgh. Pittsburgh, ça va être corsé parce que le temps, j'ai tout le temps une petite game contre Montréal. Après ça, ça c'est le lendemain, Boston à Boston. Ça va faire mal. On va gagner. Ben, j'espère. Non, mais ça, c'est un prédiction. Sérieusement, c'est la game la plus dure à prédire parce que Montréal va voir ça, c'est deux en deux. Boston ouais, joue jamais avant. Avec ça. Là, c'est back je à back. Je sais pas, j'ai pas l'horaire. Ouais, ça dépend de si Boston joue samedi. Non, c'est-tu quoi? C'est ce qui va arriver? Montréal va perdre contre Pittsburgh parce qu'ils vont jouer slow pour garder le mojo contre Boston. L'après ça, il va se pencher et il va se dire moi je vais me casser les jambes. Les deux matchs sont super importants pour notre classement. Ouais. Les non, deux matchs. Vrai, ouais. Après ça, c'est les Rangers à maison. On a le numéro des Rangers, je pense qu'on est bas. Je pense qu'on va y battre. Boston, on peut perdre. Pittsburgh, on peut perdre, mais j'espère qu'on gagne qu'on donne des. Dans le fond, sans aller, Dave, en vraiment en détail, est-ce que le Canadien, vous pensez, va avoir une fiche en haut de 500 pour le mois d'avril? Ok, mais comme c'est parti présentement. Je vais juste donner vite fait l'horaire pour le mois d'avril. Okay, vas-y. On affronte la Caroline, les Flyers, les Jets. Win. Boston encore. Capitals, Sabres, Toronto, Philadelphie. Win. Pittsburgh, Tampa Bay. Capitals, the Washington. Qu'est-ce qu'on a bien les matchs? Les Devils. Ouais, c'est un mois occupé. Après ça, les Jets, puis les Maple Leafs. Encore une fois. Ouais, gag. Les Maple Leafs, on finit contre les Maple Leafs. Ouais, on les a battus, Maple Leafs. Ouais, on les a battus, Maple Leafs. Non, je pense qu'on les a pas battus. Ok, ça se peut, ouais. Ben, on les a battus, on a perdu. Je pense contre les équipes de section, genre, il y a toujours un risque. On les a battus. Caroline, c'est tout le temps des matchs incertains. Ouais, mais ouais. Boston et tout, Toronto et tout, Philly. Ah, mais là, Boston, t'as peu. Boston, là, c'est le match, ça, qu'on va chier dans nos shorts. Non, mais là. Boston, c'est juste que je peux pas dire c'est si on gagne ou on perd. C'est canon, ok. C'est sûr, là. Ça ouais, mais Boston, tu sais jamais si tu dans gagner tes shorts, là, t'enlèveras tes gants parce que ça va aller mal s'essuyer avec ça. Ça, là, c'est un carreau de la chute. Mais Winnipeg, on sait qu'on va gagner. Mais ça, man. Mais Boston, sait, c'est énigmatique. Winnipeg, c'est énigmatique, ce game. Hey, ils se battent pour le premier rang dans leur division, c'est man. C'est énigmatique. Ça, c'est comme la troisième division. Ça, comme on voit Caroline, 32 points, ils sont troisième. Non, je sais que la division... Ouais, mais c'est pas grave. Ce qui est important pour eux autres, c'est de gagner dans leur division. Ouais. Ben, je veux dire, comme Winnipeg, justement, on est supposé gagner. Alors, je pense qu'on peut tous statuer qu'on va jouer en haut de 500 pour le mois d'avril. Je pense que oui. À quelle date commencent les séries avec le calendrier? Ça va aller, en mai, juin. Mai, parce que la saison finit au mois d'avril. La date limite de transaction, c'est 3 avril. Il devrait avoir au moins 10-15 matchs après ça. Ben oui. On est à 30, il y en reste 18. Le 3 avril, là, c'est le début avril. Il y a des matchs jusqu'au 27 avril pour le Canadien. 16 matchs. Faudrait, c'est pas long. La date limite de transaction il reste, est vraiment proche reste, de la fin de la saison. Faudrait cette année. D'habitude. C'est intéressant. Non, mais d'habitude, là, le Canadien, là, le calendrier finit à peu près dans le coin du 6, 7, 8 avril. Ouais, mais la date limite de transaction est au mois de février. Et puis, il faut pas oublier là, que les sortes de Buffalo. L'avance, là, est proche. Les sortes de Buffalo sont en vente de feu. Fait que moi, je dis, là, qu'on s'en va. On s'en va chercher c'est John Scott. Mais non. Je veux John Scott. Jason Pomerville. Je veux John Scott. Drew Stafford. Ah oui, c'est John Stafford. Tu vas remplacer qui pour John Scott? Hey, John Scott, là, c'est quoi? Tu débarques Moen, mon gars. C'est un défenseur. Drew Stafford. Mais moi, je prendrais Drew Stafford. Hey, Drew Stafford lui coûterait pas cher. Puis il pourrait jouer sur 3e, 4e. Ah, mais c'est quoi? Hey, non, mais t'as peu. Non. La belle affaire là-dedans, c'est que Montréal, on est bon. Si tu mettre un def comme joueur, ça a 4. C'est comme on a fait longtemps. Fait que John Scott, tu le crisses ça a 4. Tu t'en fous, man. Tu gardes Weber, man, pour jouer ça a 4. Tu mets John Scott. Puis t'en profites aussi pour débarrasser Caberlé puis faire du ménage. Caberlé s'en va, c'est sûr. Tu sais quoi? Tu joues à cette. Hey, Caberlé! Hey, concernant Caberlé. Tu vas échanger Caberlé, toi? Caberlé, tu ne le changeras pas, tu vas le racheter. Il est frustré, Caberlé, présentement. Il a les joues rouges de frustration. Mais comme quelqu'un a dit sur notre Facebook, il y a quelqu'un qui peut peut-être un astide naïf à quelque part aller le ramasser. Genre des Rangers qui donnent 12 millions à un gars qui score pas. Là. Mais non, mais c'est ce que tu fais. Tu l'envoies à Gainé. Il veut Dan Boys. Tu fais Caberlé. Il est bon aussi. Son petit bâton fait des passes précises. Caberlé, tu t'arranges un stage. À la limite, là, un trade à Dallas. Je le donne. Ouais, ça a l'air d'être eux autres les suckers de l'année. Ben oui, Bob Kenny est là, il va aller leur chercher son Caberlé. Ben, messieurs, ouais, c'est bon, ouais. Ça. Je pense que ça fait le tour de la partie pour John ce Scott, soir. John Scott, 7e défenseur, on joue en 7 def. John Scott. Sur les prédictions de Martin, on va terminer le match. Merci à tout le monde qui nous ont écouté live. Vous, Paros, allez chercher Paros. La moustache. La grosse moustache. Wow. Paros. C'est une bonne moustache dans le Canadien. Une moi, j'ai aucune opinion à dire là-dessus. Oh, si t'es plate. Vous toi. Pouvez rejoindre la soirée du podcast sur Twitter @soirée du podcast, également sur Facebook, Google Plus aussi. Hey, c'était un match décousu. Oh, mais c'est un bon match. Ben, man. Écoute, on a essayé un à match avec ce émotion. Soir. Hein. Quand t'es un grinder, man, tu trouves que ça joue. Ah, on a joué dans les coins. Ah ouais, ça a grindé fort. Il y a un bon grind match. On a mis notre cœur sur la glace aujourd'hui. Mais on tient à dire encore qu'Alex est bandé sur Lucic. Je vais toujours être un scoreur de 30 buts qui peut se battre, man. Pour n'importe game, man, je vais le prendre n'importe quel. I stand by my choice. Vous pouvez rejoindre tous les membres de la soirée du podcast sur Twitter. Alors moi, JF Chrome, Dave Mister _ Mini Wheat, Martin DMV 0480, Alex Draven SS et Alex Chrome, Alex _ Chrome. Ah oui. Sur ce, ben Alex, mentionné. On essaie de fermer le show là, puis là tu y vas sur des commentaires disgracieux. Pénalité déplacé, Alex. Là, prochaine game tu vas être benché mon esti. Suspension. Okay, la là, Bart, là c'est le temps de dropper égal. Comme ça, c'était l'épisode 3 de la soirée du podcast.